Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Et on va commencer par dire bonsoir parce que c'est Poli. Bienvenue sur Indestar.fr. Bravo. En live direct, hein, bien sûr, comme tous les vendredis soirs. D'ailleurs, comme tous les lundis soirs, émission à la maison deux fois par semaine. Vous le savez maintenant, vous êtes des habitués, des fidèles. Et puis si vous vous rejoignez pour la première fois, sachez que bah, on est pas mal ici, hein, n'est-ce pas Teddy? Ouais, c'est pas faux. Bien on est confortable, on est bien. Dans ton petit fauteuil, là, oui. Tout va bien derrière les manettes. Il ouais. Y a du monde ce soir, il y a Daniel qui est avec nous. Daniel, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bah lui aussi, c'est confortable. J'ai un peu changé d'installation, mais... Il parle à la troisième personne, j'aime bien l'idée. Avant, j'étais dans le canapé, mais dans le canapé, j'avais tendance à m'endormir. Alors, je me suis... Non, mais c'est ça qui est voilà, bien, tu vois, quand on est à la maison, finalement, c'est qu'on peut changer de pièce, changer d'endroit. Tu pourrais même faire aux toilettes. Mais non, mais peut-être que la semaine prochaine, tu seras dans ton grenier, ouais. T'as le droit, t'as le droit. Je vais peut-être prendre Teddy Homo, peut-être aux toilettes la semaine prochaine. Ouais, alors ça résonne, il paraît que ça résonne. Souvent, ça résonne dans les toilettes. On est cramé comme ça quand t'es au téléphone. En termes d'acoustique, c'est pas ce qu'il y a de ouf. Vous le saurez si je le fais ou pas comme ça. Ouais, alors on n'est pas sûr de vouloir. Laura, comment vas-tu, Laura? Eh ben ça va nickel hein, en parlant de toilettes, c'est génial. Non mais je me faisais la réflexion, ça fait grave longtemps qu'on n'a pas fait une émission mais genre en direct au studio quoi. Enfin vous, ouais, Teddy ouais. Et vous y êtes tout le temps. J'ai oublié. Et nous, je veux dire, moi habitant à Tours, enfin on peut plus vraiment se revoir pour ça et je suis pressée qu'on refasse une émission tous ensemble en direct. Non, mais, même nous qui sommes en studio, en vrai, on a nos habitudes, tu vois, d'être en studio. Mais pas en studio comme d'habitude en fait. Ouais. Pas comme avant. Bah non. On est en studio, oui, mais genre comme chez nous, comme si, genre là, tu vois, je suis peut-être en caleçon en fait, tu vois. En vrai. D'ailleurs, tu vois, il est assis sur le canapé, les doigts pieds en éventail sur la table basse. Mais c'est presque ça, mais ouais. Mais alors, on va pas vraiment dire de date, mais j'espère bien qu'avec ce que nous annonce le gouvernement et avant la fin de la saison, on arrivera à faire des émissions. En studio, même si on termine un petit peu moins tard, voilà. Et peut-être après cet été, on aura peut-être des émissions surprises comme ça qui interviendront, voilà, durant l'été, mais qu'on spécial puisse jardinage. Spécial jardinage, pourquoi pas? Non, on sait jamais. Non. Mais qu'on puisse reprendre un petit peu le cours des choses, parce que je sais que vous l'attendez et nous aussi, et voilà. Vous êtes 1 million à nous demander quand est-ce qu'on vient à la radio. 2 millions. Pardon. C'est bien de s'inventer une vie. J'ai vu 2 millions à peu près. Hein. Jolan, comment vas-tu, Jolan? Moi, je vais très très bien. C'est vrai? Je suis content de revenir en direct. Alors, rapproche-toi un petit peu de ton micro parce que là, t'es en direct de loin là. Non, pardon, je disais, je suis très content de revenir à l'Andal parce que ça faisait un moment que j'étais pas venu. Donc, bah oui. J'aimerais aussi vous retrouver. Bon, même si j'habite à côté, hein, je pourrais venir. Hein, mais bon, t'aimerais bien faire un câlin. Hein. règle sanitaire impose, du coup, bah, on attendra le feu vert de notre ministre de la Culture pour, c'est ça. Pour revenir aux locaux. Pour revenir aux locaux, pour faire des choses, pour rencontrer un public, pour faire des concerts. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que attend notre invité aussi de ce soir. Elle s'appelle Nacy, artiste, compositeur, interprète, elle fait tout. Salut Nacy. Bonsoir. Bonsoir. Nacy, évidemment, j'imagine que toi aussi, tu attends qu'on soit déconfiné et sans couvre-feu, etc., pour pouvoir faire des choses avec ton public. Bah, mon public, pour l'instant, j'ai pas forcément fait de... Il est là. Il est là. Déjà, t'as toute l'équipe d'Indestar, plus tous ceux qui nous écoutent, tu vois. Ouais. Et t'as Daniel. Et Daniel compte double. Tu as ton fervent, t'as ton fan... Comment on dit fan terme. Ah bah, fan inconditionnel, je sais pas, non. Fan inconditionnel, ouais. Non, mais ouais, Daniel compte double. Tu sais, c'est comme les mots Scrabble. Hein, t'as dit comme ça qui compte double contre. C'est un grand fan. Voilà. Bon, en tout cas, ce soir, on va parler, Nacy, de ton parcours. Alors, de ton parcours jusqu'à maintenant et surtout de tes projets, parce que tu te lances dans la musique. Tu aimerais en faire ton métier. Donc voilà, t'as plein de belles idées en tête que tu vas essayer de concrétiser dans les mois et années à venir. Et on va en parler ce soir et on va découvrir aussi. Tes deux premières compos, dont une exclusivité ce soir avec le deuxième titre qui est sorti aujourd'hui, donc voilà, à découvrir sur Indestar tout à l'heure. Et puis plein de bonnes choses autour de ce que tu aimes, parce qu'on va aussi un peu découvrir ton voilà ton univers. On va répondre à une question en fait qui. La question existentielle. C'est, qui est Nacy? Voilà. Ah oui, question existentielle. Oui, alors ça je la poserai à la fin. Mais... D'accord. Mais oui. Ça vous le saurez plus tard. Exactement. Voilà. Mais qui est Nacy? Voilà. Parce que voilà, comme toute personne, tu aimes aussi. Tu es un être humain. Oh, tu... Voilà. Ça je sais pas, parce que on imagine que oui. Hein. Je sais pas. Je suis pas spéciste, mais je pense que tu es un être humain. Ouais. On va partir de ce principe là. Voilà. Non, parce qu'en fait on voit pas comme ça à la maison, on voit pas. C'est pour ça. Non. Il a des doutes quand même. Bah oui. Oui. En fait c'est un oiseau. Non, je vous assure, je suis bien. Bon, bah alors tu vois déjà on a une première certitude. Vous savez que Nacy est un être humain. Et on peut confirmer aussi. Non. Oui, parce que on peut. Non, mais on peut le dévoiler. C'est un monstre qui vient d'Écosse. Nacy et Laura, vous connaissez depuis un petit bout de temps, quoi. C'est pas la première fois que vous vous parlez toutes les deux. Voilà. Non, on se connaît bien. Alors, et déjà il y a une heure ils étaient ensemble. Alors c'est déjà il y a une heure, ouais. Mais il me semble que ça remonte même un petit peu plus loin. Mais alors, moi il y a quelque chose qui m'a interloqué hors antenne. Interloqué. C'est que en fait donc vous avez été au lycée ensemble toutes les deux. Et moi je retrouve dans votre voix. Alors je sais pas si c'est une sorte d'accent. Ou de, je sais pas, de façon de parler. Ah ouais. D'accent du sud? Non, alors pas du sud, mais je retrouve dans vos deux voix une ressemblance. T'as pas remarqué, Teddy? Ouais. Dans leur façon de parler, peut-être. Dans leur façon de parler, ouais, je sais pas. Elles oui. sont très méchantes, je On trouve. A un accent, Laura. Mais elles sont très agressives. Je sais pas si c'est vraiment un accent. Après, on dit que oui, il y a un accent partout, mais c'est pas. Je confirme, ça se rapproche parce que tout à l'heure, quand j'ai demandé s'il y avait Nacy, ouais. je savais pas si c'était Nacy ou Laura. Oui, qui mais c'est peut-être une question de timbre de voix. C'est mais peut-être oui, simplement le timbre de voix. Ouais. Ils ont travaillé ou chez La Poste toutes les deux. Oui, l'accent du Mans, je sais pas. Non, mais peut-être qu'il y a un accent. Mais non, mais c'était aussi plutôt timbre, ça, Théo. Enfin, je veux dire, on vient toutes les deux de la Sarthe, il n'y a pas d'accent en ah soi. Ah, bah c'est l'accent Sarthe. De la Sarthe enfin... Bah, c'est vrai que c'est pas. La Sarthe n'est pas connue pour son accent. Elle n'est pas connue du tout. Hein. Ah, si, pour les gens du Nord, pour les ch'tis, par exemple, t'as un accent, l'accent sartois. Ah ouais? Mais non, mais peut-être. Hein. Peut-être. Bah, pour le monde entier d'ailleurs, t'as l'accent sartois. Ouais, c'est vrai que. La violence! Non, mais tu sais, pour les Coréens, c'est l'accent du Sud. Non, on veut rien à voir. Bon, ouais, Non, mais c'est peut-être plus par rapport au timbre de voix. Peut-être. Peut-être. Non, je pense que c'est plus le timbre de voix et le fait que vous ayez la fibre toutes les deux, ou presque. Enfin, je sais pas, on t'entend particulièrement bien, mais si, on a l'impression que t'es à côté de nous. Ou voilà. C'est peut-être parce qu'elle a une voix un peu plus grave que Laura. Pardon ? Moi, je trouve qu'elle a la voix un peu plus grave que moi. Ouais, oui. Bah, c'est même sûr. Hein. Oui, oui, oui. Mais oui. C'est pour ça qu'on l'entend bien. Et c'est aussi pour ça que tu l'entends bien, parce que toi, t'es à moitié sourd et du coup, les voix graves, t'entends bien. Complètement. Et par contre, Laura est un peu plus grave que Nacy, peut-être. Hein. Non, mais non, on vient de dire l'inverse. Ouais, mais pas la voix. Non, c'est pas la voix qui disait. Je parlais pas de la voix. Il parle de la personne. C'est un peu grave, Laura. Ça commence à clasher. Tu vois, à peine tu reviens, à peine ça clash, tu vois. C'est ça. Il annonce la couleur, Daniel. Ce soir, il défonce. Bon, est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine, en tout cas? Est-ce qu'il vous est arrivé des trucs de fous cette semaine, Teddy? Des trucs de fous. Je sais pas, une baguette qui a cramé, un truc. Non, voyons, je suis un bon boulanger, je me fais cramer. Il a cassé une baguette sur la tête. Une baguette violette. T'as un truc. Un truc de dingue. Ah putain, est-ce que je vais arriver à trouver un la truc de dingue? La baguette a eu un coup de sang. Non, c'est étrangement classé. Ah si! Oh putain, vas-y, je balance, je m'en fous. J'ai vu une souris passer dans le Inter. Oh non, c'est horrible ça. Dans la farine? Bah non, pas dans ma boulangerie, dans le Inter. Au milieu des clients. Il y avait pas de clients, mais ouais. Ah, c'était Jerry qui faisait ses courses? Je sais pas. Mais je me suis dit, mais sérieux? Vraiment, tu te balades là? Ah ouais, j'avoue. T'as pas le droit, enfin. Non, mais c'est surtout, t'es en train de faire tes courses et tu vois une souris traverser le magasin. Rien que pour les clients, mais il y avait pas de clients parce que c'était pas ouvert. Ouais. Mais je la vois passer, puis je la vois aller sous la vitrine de la pâtisserie. Oh. Donc c'est un lieu que je peux pas attendre, que personne peut attendre. Ouais. Par contre, ne craignez rien au niveau de l'hygiène, elle peut pas rentrer dans la vitrine. Hein, je précise. Ouais, mais enfin, perso, je. Vous inquiétez pas, la souris est équipée d'une douche, elle a une salle de bain personnelle. Elle a son masque anti-Covid. Elle a son masque, ouais. Elle se lave les pattes, hein, ok. Genre. Ce que je suis triste, c'est que. Mini caddie et tout, hein, vous déconnez. Hein, ce que je suis triste, c'est que j'adore beaucoup les animaux, comme vous devez le savoir. T'adores à peu beaucoup, près. Ouais. Ouais, j'adore beaucoup. Hein. Est-ce que t'as fini mon bouquin d'ailleurs que je t'ai offert? Il me reste une dizaine de pages à lire. C'est un bouquin sur les animaux. Bah oui, je l'ai commencé, je l'ai fini presque. Il me reste une dizaine de pages à lire. J'en ai oublié une dizaine. En fait, j'ai posé le livre et j'ai oublié de le relire. Enfin. Ça m'arrive souvent. Ok. Mais comment dire, je les aime beaucoup. Mais tu vois, une souris dans... Alors, elle est pas vraiment dans ma boulange, mais tu vois... Non, mais il y a des lieux... J'ai pas envie de la voir s'approcher de ma boulange. Il y a une guéguerre entre boulanger et souris et papillon. Tu vois, ça, c'est... ouais, alors, en plus, hein. Et papillon. Donc, j'ai envie de lui faire la guerre, tu vois, mais... Pff, ouais. Ça fait chier, quoi. Ouais. Mais bon. Non, on comprend. Je l'ai laissé tranquille, j'ai pas pu la shooter, de toute façon. Donc, bon. Et dans le four à pain, bientôt, tu sais. Ah non, pas dans mon four à pain. Que des personnes. Naïssi, t'as des souris qui se baladent chez toi ou tout va bien? Non, pas directement, mais. Pas directement? Au niveau du mur, ouais, on entend des petits. Ah ouais, ouais. Genre... Non, mais ça arrive. Ouais, ouais, derrière le mur, c'est ça, ou dans les combles ou... Ouais, ouais, ouais, genre, je pense que c'est derrière le mur parce qu'on les entend au niveau du sol marcher et tout. Mm. C'est pas super. Ah. Et puis, c'est des souris qui ont un accent de Sarthe, tu sais. Tu les entends, c'est pas le même grincement. On va me charrier maintenant là-dessus sur l'accent, sors-toi. Mais vous pouvez. Bon, on va parler du parcours de Naïssi dans un instant et découvrir tout son univers. Et puis, bon, on va écouter de la musique maintenant avec la reprise de Big Flo et Oli. C'est dommage. Et c'est Nola qui reprend Big Flo et Oli. Bah, du coup, c'est bien. Sur Indestar. Ah oui, c'est pas dommage. C'est très très bien. On est d'accord. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Exactement, les enfants, 23h grand minimum hein, pour cette émission à la maison du vendredi soir sur Indestar avec notre invitée Naïssi ce soir, artiste complète. Naïssi qui est avec nous donc à distance, hein, bien évidemment, pour cette émission à la maison. Oui, Teddy. J'ai une petite question. T'as déjà vu une artiste pas complète? Non, mais alors, je m'explique sur la définition. Demi-artiste. Décidément, on croit que je suis pas un être humain. Ouais, c'est clair. T'es une moitié d'artiste, d'accord, je trouve, en ce alors, moment. Alors, ok, je vais me définir sur la définition d'artiste complet. C'est quelqu'un qui écrit, qui compose, qui chante, qui gère, en fait. Qui fait de la poterie. Qui fait de la poterie, pourquoi pas, à côté. Qui écrit des livres, des choses comme ça. Enfin, bref. Voilà, non, mais tu peux avoir juste des interprètes, par exemple, qui sont des artistes. Ouais. Complet quand même, mais voilà. Ils sont complets, mais ils sont pas comme le. Tu vois, le pain, c'est complet, une baguette. Façon, tu peux avoir une baguette entière. Voilà, des baguettes entières, mais pas complètes. Bah, c'est pareil. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, super. J'explique pour le boulanger qui sommeille en Teddy. Il faut toujours faire une référence avec la boulangerie. Ça marche mieux pour comprendre. Au cas où, si tu n'as pas compris, je suis boulanger. Oui, bah, je pense qu'on avait choisi. On n'est pas là pour parler de moi. Non. Alors, Naïssi, justement, pour mieux te connaître et pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, on commence toujours par ce qu'on appelle une bio approximative. Donc, on a été chercher des petites infos sur ton parcours jusqu'à maintenant. On en a fait un récit. Évidemment, comme son nom l'indique, qui dit bio approximative, dit chose que tu peux corriger parce que forcément, tout n'est pas forcément vrai. Mais j'y vais. Ouais. Un quart de siècle nous sépare de la naissance de Naïssi. Petite Mancelle, là où il y a un périph, vous savez, avec des voitures qui tournent en rond pendant 24 heures, mais seulement une fois par an. Ville de mécanique, donc par excellence, hein, j'aime bien. Oui, mais c'est mieux qu'ailleurs, effectivement. Petite Naïssi s'inventait des chansons, chantées pour les plantes et les légumes du jardin de mamie. Ah, là, on a eu des belles carottes, mamie, toutes ces années. Alors, c'était dans le jardin de mamie, mais c'était dans pas le pour jardin. Ah, c'était pas pour les carottes. En fait, elle écrasait les carottes pour chanter. J'aimerais savoir une chose. Oui. Est-ce que les légumes profitaient mieux quand tu chantais? Est-ce qu'ils étaient meilleurs? Ah, mais bien sûr. Oui, parce que j'apportais le soleil. Donc, exactement. Bon, tu viendras dans mon jardin. C'est pas du soleil qu'elles ont besoin, c'est de pluie. des deux, pour pousser. Arrive le lycée, qu'elle a bien aimé, hein, puisqu'elle y est restée 4 ans, et a rencontré Laura. Bon, j'avoue. J'ai changé entre temps. À la base, j'étais pas avec Laura. C'est ma première. Ma seconde était autre part. D'accord. Pourquoi ils t'ont imposé Laura? Non, mais vu qu'elle a redoublé en seconde, elle était à sa première seconde. Moi, j'étais qu'en troisième. Ouais. T'étais encore une petite, toi. J'étais pas au lycée sud à ma première seconde. Ah oui, lycée sud du Mans. Hein. Ouais, le sud du Mans, attention, pas confondre avec le sud du sud. Le sud du Mans, ouais. Donc t'étais pas loin avec le circuit, hein, avec le sud du Mans. C'est assez confondre parce que avant, je crois que t'étais au lycée Washington. Ah, et c'est pas Washington. Pas au sud, c'est pas Washington. C'est Washington. Le lycée du sud. Touchard. C'était mieux Washington, quoi. Petite dédicace au lycée Touchard. Si nous écoute. La classe de seconde D. En tout cas, c'est dans ton deuxième lycée donc, que tu as rencontré Laura, ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Oui, il y a du pistonnage. C'est pas faux. Ah, hein, ouais, grave. Ce goût pour les études s'est arrêté là où le BTS négociation et relations clients commence, hein. Non pas parce que elle n'aimait pas les gens, mais parce que c'était chiant, faut bien l'avouer. Ouais. Et on ira plutôt sur un CAP. Je n'aimais pas trop ma classe non plus, je l'avoue. Ah, c'est vrai, ils étaient chiants dans la classe, voilà. Aussi, bah ouais. Donc on ira plutôt sur un CAP esthétisme. Ils négociaient tout. Je dirais pas de nom. Donc ouais, des parcours de vie un peu, enfin des études un petit peu différentes, jusque la vie active dans un centre de formation. Mais la musique ne l'a pas quitté, c'est ce dont nous allons parler principalement aujourd'hui, puisque tu aimerais en faire ton métier. Et alors cette passion pour le chant, à quel moment tu t'es dit « Ouais, tiens, j'aimerais en faire un peu plus que pour mamie, quoi ?» Quand elle a vu les carottes pousser. Elle a voulu en faire pour les carottes du voisin. Bah en fait, déjà étant petite, je me voyais genre chanteuse plus tard en fait. Mais après, j'ai un peu lâché le truc parce que bah j'ai fait des études, tout ça, puis j'ai un petit peu lâché. Et en fait, quand j'ai vu que je pouvais produire ma musique moi-même, je me suis dit ça peut être intéressant et c'est là que j'ai décidé de me lancer, mais ça a pris du temps quand même. Tes parents donc n'avaient aucun rapport dans la production de musique, etc. Ah, pas du tout. Ouais. Non. Et ils l'ont vécu comment le fait que, parce que tu me dis j'ai un peu lâché par un moment, parce que peut-être que enfin à une certaine période on peut se dire ouais c'est cool, mais est-ce que c'est réellement réaliste en fait d'aller vers cette voie là et comment ils ont réagi tes parents quand tu t'es dit que t'allais te lancer plus sérieusement dans la musique? Alors ma mère à la base elle savait que j'étais en train de que je composais, etc. Après j'en ai pas forcément beaucoup parlé parce que pour moi c'était plus un loisir tout ça mais elle a pas forcément eu d'avis en fait, enfin elle était contente quand j'ai sorti ma première chanson après quand t'avais du concret quoi, se dit pour percer c'est très compliqué, donc elle se dit pas elle se dit pas ça y est elle va tout lâcher pour ça alors en plus j'ai un travail à côté, donc après mon père j'ai pas trop d'avis non plus, mais c'est vrai qu'ils savent que depuis toute petite j'étais à fond dans la musique, donc j'adorais tout cet univers et que j'ai toujours voulu devenir chanteuse, mais c'est vrai que ma famille croyait pas forcément. Et encore aujourd'hui, hein, c'est pas. Enfin, même quand je leur dis, j'ai sorti ma musique. Ouais, ouais. Enfin, c'est. Personne. Enfin, c'est pas que personne croit en ça, mais je veux dire, c'est pas forcément. Pour beaucoup de gens, c'est pas concret, en fait, de se lancer dans la musique. Donc, c'est pas quelque chose de concret et ça va pas rapporter forcément ou des choses comme ça. Donc. Pour eux, c'est plus un passe-temps ou un loisir. Et tu as un mentor ou c'est vraiment toi qui te dis « Ouais, je me lance là-dedans ». Enfin, même si, effectivement, comme tu le dis, t'as un travail à côté derrière, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pousse justement à aller dans ce sens-là aussi? Non, c'est plus par moi-même. J'ai pas forcément de personne qui me pousse. Par contre, j'ai quand même des gens qui me soutiennent. Mmh. Après, c'est vraiment moi qui décide, qui me dit « Tiens, je vais faire cette chanson-là, je veux ce thème-là, etc. » Après, j'ai pas forcément de mentor, j'ai des personnes qui me donnent des conseils, tout ça, mais je fais un petit peu à ma sauce. Après, par contre, je demande des avis aux gens quand je fais ma musique, je demande des avis, par exemple, à mon copain, à mes amis, tout ça, pour voir s'il n'y a pas des choses. Parce que c'est vrai que notre oreille, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est quand on produit tout toute seule, c'est qu'on a juste notre oreille, en fait, pour... par exemple, le mixage, mastering, tout ça, en fait, on doit vraiment se faire confiance et des fois, on entend les choses d'une manière et une autre personne va dire « Tiens, ça, c'est trop fort, ça va pas ». Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, c'est important d'avoir l'avis d'autres personnes. Complètement, mais j'ai pas forcément de mentor en soi. Ouais. Mais c'est vrai que même, pour faire un peu de production, alors pas en musique, hein, mais des fois, on produit quelque chose et on a l'impression... Enfin, sur le coup, ça peut nous paraître extrêmement bien. Et le lendemain, on peut se dire, c'est complètement nul. Et en fait, des fois, la vérité n'est ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est fou parce que notre oreille s'habitue à certains sons qu'on peut produire. Et après, en réécoutant, soit on trouvait ça bof un jour et puis mieux le lendemain, ou l'inverse. C'est comme quoi notre cerveau peut aussi nous jouer des tours. Et puis, tu le disais, une oreille différente. Une appréciation différente, des supports aussi d'écoute différents, parce que une musique quand le plus dur en fait c'est pour moi le plus dur la composition, instru, tout ça, c'est ça prend un petit peu de temps, mais c'est un plaisir. Après ce que j'aime pas trop, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est tout ce qui est mixage, mastering, parce que je suis pas du tout un G son, etc. donc C'est pas forcément simple et en plus ouais ça dépend des supports, ça dépend bah du style de la musique parce qu'il y a plusieurs mixages qu'on peut tenter, ça dépend de plein de choses et du coup c'est vrai que c'est pas forcément simple. Après je fais comme je peux, je suis assez perfectionniste en plus, alors quand il y a un truc qui me plaît pas, faut que j'y retouche, mais en fait trop vouloir trop bien faire et bah au final des fois c'est pas forcément mieux non plus. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu disais que ouais, tout ce qui est instru et tout ça, ça te dérange pas, mais du coup, tu joues d'un instrument, tu... Alors non, moi, je fais mes instrus sur des logiciels. D'accord. Mais je joue pas forcément... De la flûte à bec, ça m'appelle. Là, je me suis acheté un petit clavier, quand même. Ouais. Pour faire mes instrus, parce qu'avant, je composais sur un petit logiciel gratuit. Enfin, j'ai commencé là-dessus, c'est LMMS. Enfin, c'est un petit truc... Et en fait, je faisais tout à la souris, c'était pas forcément simple. Et c'est vrai que le clavier, en fait, on peut jouer directement sa mélodie. Un petit clavier MIDI qui est branché piano directement. De base, ouais. Mais j'apprends un petit peu sur le tas. Ouais, ok. Alors, le premier. Oui, pardon. Attends, j'ai une question à poser là, aux gens comme toi qui commencent, pas dans une famille de musiciens. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir si, dans tes souvenirs, je dis bien dans tes souvenirs parce que des fois on les a pas, s'il y a une chanson, un chanteur, quelque chose qui t'aurait marqué et qui t'aurait donné envie toi aussi de chanter. Du coup, je pense après un en particulier vraiment qui m'aurait marqué. Je pense que... Laura, c'est Queen. Après, ça peut être aussi un style de musique. Non, aussi, c'est ça pas peut Queen. Être... Je sais pas vraiment si c'est ça, mais je sais que mon père m'a beaucoup bercé dans la musique. En fait, enfin, il me faisait toujours écouter, même des vieux groupes, tout ça. Alors après, forcément, je me suis mise à vraiment écouter aussi et adorer ça. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de Dépêche Mode. Mais vraiment, en même temps, mon père était fan. Ouais. Et j'aime bien... Alors, je fais pas du tout dans le même style, mais... Enfin, il y a des musiques qui m'inspirent. Enfin, je sais pas. Après, il y a d'autres artistes, mais peut-être que ça vient de là. Je sais pas. Ce qui m'a poussée à vouloir faire de la musique, je sais pas. Mais je te disais. Des fois, on se souvient. Des fois, on se souvient pas. Des fois, c'est. Des fois, il y en a pas. En fait, c'est même pas une question de souvenir. Des fois, c'est plutôt une question de sensation. En fait, pour la plupart des personnes, écouter de la musique, ça fait vachement de bien. Et puis, en fait, il y a des paroles aussi qui sont super inspirantes. Enfin, il y a des mélodies qui vont nous rendre plus tristes. Des mélodies qui vont nous mettre en joie. Enfin, c'est vraiment. Une question de sensation et de se dire j'aime trop la sensation que j'ai quand je chante, j'aime trop être triste. Je ressens plus que j'écoute en fait. Moi, l'émotion quand j'écoutais Coucou Stache Stache. Ah, c'était fun. Quelle émotion. Quelle parole. Quand Laura disait triste, j'ai pensé au titre Complicated là d'Avril Lavigne. Oh, c'est pas si triste, Complicated. Je sais pas. Bon, non, en vrai, ça va. Ouais. Hein. C'est rock, mais enfin, je veux dire. Rock triste. Les paroles, c'est en mode putain, tout est compliqué. Ouais, mais rebelle adolescente, quoi. Mood, non, mais quand t'es dans un bad mood à la base, genre le fait d'écouter ça, tu te dis ah putain. Ça t'enfonce plus qu'autre chose. J'avoue. Ton premier titre, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, s'appelle Baby Blue. Donc c'est un mélange, alors tu me dis si je me trompe, et de pop, de rhythm and blues. Y a un peu de ces inspirations-là dedans. Chanson hommage, puisque si je dis pas de bêtises, Baby Blue, c'est le nom d'une moto, d'une Yamaha, qui appartenait à un certain Kevin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, si ça, c'est pas trop douloureux pour toi, hein, bien évidemment. Quelle est l'histoire de cette chanson? Baby Blue, à la base, ouais, c'est. Ce qui s'est passé, c'est que je sortais avec un motard en 2018 et du coup, il est décédé d'un cancer. Et après ça, j'ai voulu composer, j'ai commencé à créer cette musique, Baby Blue. Et je voulais que ce soit quelque chose pour lui, en fait. Enfin, une D'accord. sorte d'hommage et un moyen aussi, peut-être de lui dire au revoir. En fait, j'avais vraiment besoin de ça. Il y a des gens qui font leur deuil d'une manière. Moi, j'avais besoin de passer par la musique. Donc, lui était motard, c'est ça? Ouais. Et il avait un R6. Ouais. Bleu et blanc. Et c'est vrai que quand il avait posté une photo un jour de son R6, il avait mis Baby Blue. Donc, sur le moment, je sais pas pourquoi. Enfin, je me suis dit, tiens, Baby Blue. Je me suis dit ça va être mon titre et du coup c'est là que j'ai commencé à écrire et à parler de cette fameuse moto mais aussi de lui, notre histoire, ça mélange pas mal de choses dans la musique et c'était vraiment en fait une chanson qui me tenait à cœur plus que de me dire je vais me faire connaître avec ça, tout ça, c'était vraiment, j'avais besoin de la sortir en fait, j'avais besoin de me dire cette musique là elle va être pour lui et c'est un moyen de lui dire au revoir quoi, clairement, et ouais. Et du coup c'était vraiment important. De toute façon, je pense que voilà, il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent de leur vécu. Ouais, c'est même pas s'inspirer, c'est genre les sensations, ils mettent leurs émotions dans une musique. Les émotions dans une musique, bah ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup, j'ai pas une question, j'ai une hâte. T'as une hâte, c'est de l'écouter. Bah ouais. Évidemment, mais on va l'écouter maintenant. Baby Blue, donc de Nicey, premier single, premier titre, qui est disponible d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. On vous en reparle juste après l'avoir écouté sur Indestar. Le voici, Baby Blue. Baby, hein ? Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. C'était Baby Blue de Nicey à l'instant sur Indestar. Premier titre de Nicey qui est notre invité ce soir dans cette émission à la maison. Cette chanson, donc Baby Blue, ça fait longtemps qu'elle était en gestation ou c'est venu d'un coup ? Alors, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Je crois que j'ai dû commencer à l'écrire quelques mois après le décès du coup de Kevin. Donc... J'y allais petit à petit, j'y retournais, je continuais à la peaufiner un petit peu. Puis après, je me suis dit, j'ai commandé ma carte son et mon micro. Oui. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, il va falloir s'y mettre. j'ai commencé, mais j'ai vraiment galéré. Hein. Ouais, franchement. Parce que, effectivement. D'insonoriser un petit peu tout, toute ma chambre, tout ça, c'était pas ça. C'est ça, en fait, tout est dans ta chambre, c'est vraiment le home studio. Quel est, pour nous faire une petite image en tête, là, quel est ton setup là, pour travailler? J'imagine que tu as un ordi, un micro, c'est équipé comment chez toi? Je croyais que t'allais demander la taille de la chambre. La taille de la chambre aussi, c'est important. Pourquoi pas? La fenêtre est exposée plein sud. Non, pardon. Alors, j'ai commencé dans ma chambre, j'étais encore chez ma mère, hein. Là j'ai emménagé chez moi, mais j'étais clairement entre mon armoire et mon mur. J'avais mon petit micro, mon micro et ma carte son de bonne qualité en plus, j'ai pris un bon truc. Et j'ai collé toutes mes mousses acoustiques sur mon mur avec de la bonne colle, sauf que le mur, t'as emmené le mur à la fin. Il restait des bouts de mousse accrochés sur le mur. Je me suis dit, quand ma mère va voir ça, elle va péter un pot. Et du coup, après, vraiment dans le rush, j'ai pas été racheter de la colle. J'ai collé ça au double face. Enfin, pareil, ça faisait que de tomber. J'ai dit, je vais jamais y arriver. Mais j'ai continué. J'adore le système de... rapidement pour garder. Et après, elle a acheté des armoires pour caler la mousse. Non, mais j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé avec un matelas. Mais non, c'est trop. Mais les clous. Et du coup, après, j'ai réussi, mais. Dans le studio In The Star, on a des panneaux de mousse aussi, bien évidemment, mais on les a collés sur des panneaux de bois, et les panneaux de bois, on les a fixés sur le mur. Voilà, comme ça, c'est vrai que si on part un jour, on peut emmener les panneaux de bois. On emmène la cabane, totalement démontable. Sans enlever les murs. Moi, j'ai voulu faire ça vite fait, et j'ai tout collé sur la tapisserie, quoi. C'est pas vraiment de la tapisserie, mais. Sur le papier peint. C'est le papier peint à l'ancienne. Je voulais vraiment me faire un petit coin, et puis après, je me dis, en fait, ça reste. Alors, petite info, si vous voulez des tutos bricolage, venez sur The Star, on vous montrera comment coller vos panneaux. Ah là là. Surtout si vous voulez les conseils de ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah exactement, on est les meilleurs pour ça. On est là. Et alors, sur l'écriture, donc tu dis ça t'a mis un moment pour cette chanson. Est-ce que dans tous les titres que tu composes, est-ce que c'est entièrement toi? Est-ce que tu as plutôt l'habitude puisque tu composes aussi tu nous le disais tout à l'heure avec ton petit clavier et puis des logiciels, est-ce que t'as plutôt l'habitude de composer d'abord, d'écrire avant, comment ça se passe, ou est-ce que c'est aléatoire, ça dépend des titres? Alors ça dépend, là les deux premières que j'ai fait, j'ai d'abord fait les instrus, une partie de l'instru, et après j'avais déjà la mélodie en tête, mais pour faire les paroles je me suis dit je vais un petit peu me baser sur l'instru parce que je trouve ça plus facile. Après ça dépend peut-être des gens, mais moi j'ai besoin de créer un petit bout de l'instru avant et d'écrire les paroles en fonction de l'instru plutôt que l'inverse. Mais peut-être que pour la prochaine ce sera l'inverse, mais c'est comme ça que je fonctionne. Après je peaufine et puis je continue l'instru en fonction des paroles. Je suis pas très régulière, je pense que je fais un petit peu comme je le sens. Mais le fait d'avoir la structure, on va dire, de la musique, ça te permet de caler le beat pour la longueur des phrases, des paroles, etc. Voilà. Après je réajuste le tempo en fonction de ce que je fais vraiment et voilà. Mais après c'est beaucoup de travail, parce qu'au final la première musique que j'ai faite, je l'ai enregistrée mais pas comme il fallait, parce que c'était la première fois que j'utilisais mon micro, donc il était mal réglé, c'est-à-dire qu'on entendait vraiment tous les bruits. Vraiment tous les bruits, jusqu'à mon chien qui aboyait en bas. Ça peut faire un excellent effet, mais c'était peut-être pas voulu. Depuis elle a embauché des vrais cœurs. Elle a fait son featuring avec un chien. Ça fait le buzz. Avec le chien, ça fait genre ouh la dog ça. Non mais c'est pas le but. Faut dire que la complainte du chien avec le blues, ça va très bien ensemble. Non mais ça peut très bien ça peut très bien aller, mais il faut que ça soit au bon moment. Faut que toutes les conditions soient réunies. Quand c'est pas voulu, c'est. Mais c'est vrai que pour la deuxième aussi, ça me l'a fait, parce que j'ai mal réglé encore mon micro, parce que ça faisait un petit moment que j'avais enregistré la première, et au final on entendait le laver qui se fermait, tout ça. Ça c'est moins sympa. Mais si, ça peut faire un truc, ça peut faire un blues, le lave-vaisselle qui tourne. Oui. Alors justement, deuxième titre qui est sorti aujourd'hui, et on a l'exclu ce soir, c'est RAP, alors que l'on traduit par Rhythm and Poesy. Oui. Mais on, évidemment, on devine que dans R.A.P., si tu compactes, ça fait rap, hein, voilà, on devine qu'il y a certains passages de rap. Mmh. C'est une nouvelle expérience aussi pour toi ? C'est des nouvelles aventures, un nouveau chemin ? Ouais, parce que ça n'a rien à voir avec la première. Mmh. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment du... Enfin, si on peut considérer plus ça comme du rap ou du R&B, je... Mais ouais, il y a du flow, quoi. Je suis... C'est plus art et beat. Et je suis un peu sortie de ma zone de confort pour ça, parce que c'est, enfin, ça a vraiment rien à voir avec la première, parce que la première c'était vraiment une histoire de rendre hommage, de, enfin, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et la deuxième j'ai voulu faire un truc un peu plus qui pouvait être plus apprécié aussi, plus, et montrer que t'es dans la place, quoi. C'est... Bah, montrer un petit peu ce que j'étais capable de faire aussi, de chanter un peu en anglais, donc je voulais un petit peu montrer un petit peu ce que je pouvais faire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait dans Baby Blue, donc le titre est anglais mais on a compris que c'était par rapport à la moto, dans Rhythm and Poésie il y a un mélange de français et d'anglais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, ça ? Est-ce qu'on envisage aussi des titres qu'en anglais par la suite, ou comme ça un mélange dans les prochains titres qui vont arriver ? C'est même sûr qu'elle envisage que des titres en anglais. Pourquoi ? Pour cacher l'accent sartois. Oui, c'est ça. Bah, depuis que vous m'avez dit, ouais, je vais revoir mes projets là. Non, après, c'est vrai que le français, enfin, le mélange anglais-français, j'étais pas forcément fan. Et pour celle-là, je me suis dit, je vois pas le deuxième couplet en français, en fait. Ouais. J'ai vu que j'avais un petit bout de pré-refrain en anglais, enfin, je voulais mélanger les deux, tout ça. Bah, je me suis dit, ouais, en fait, on va peut-être faire un petit couplet en anglais, ça peut être sympa. Mm-hmm. Donc au début, j'avais aucune inspiration, je vous cache pas. Et après, c'est venu tout seul, en écoutant l'instru plusieurs fois. D'accord. Et ouais, je pense continuer. Je pense que la prochaine sera entièrement en anglais. Et après, je ferai peut-être encore des mélanges. J'avais une question à te poser par rapport aux instrus, aux compositions. Ça te prend combien de temps à peu près pour réaliser tout ça ? Ah oui, une musique, ça quoi. Dépend. Ouais. J'ai pas forcément de temps précis, parce que c'est vrai que je m'y mets pas tous les soirs. Par exemple, c'est vrai que là, ces temps-ci, j'ai pas été super régulière, parce qu'avec le travail, tout ça, j'ai un petit... Enfin, après, je pense que j'étais pas non plus... c'est peut-être aussi un manque pas de motivation, mais le soir quand je rentrais, je disais bon, je ferai ça demain, mais en fait c'est pas un manque d'énergie, ça, c'est un petit peu. C'est pas comme si t'avais que ça à faire, entre guillemets, enfin, vu que tu passes à côté, enfin, t'as d'autres choses, enfin, tu vois des gens, enfin, c'est vrai que même moi, je sais que j'ai plein de projets artistiques en tête, mais enfin, c'est compliqué. Je t'ai pas entendu chanter, Laura, encore. Non, mais pas. Il n'y a pas que ça dans l'artiste. Ouais, mais j'aimerais bien entendre Laura chanter, dis donc. Il y a le problème peut-être de l'inspiration. Peut-être un jour, tu verras. Elle chante bien. Un featuring avec. Il y a le problème de l'inspiration aussi. Oui, non, mais complètement. Ouais, c'est-à-dire que tous ces métiers-là, au-delà, et même un artiste qui ne fait que ça, il y a des phases de. Il y a des phases d'inspiration et des phases beaucoup moins. C'est pas simplement. Il y a certaines tâches qu'on peut faire, vider le lave-vaisselle. On se dit, c'est bon, j'ai 5 minutes, je vide le lave-vaisselle. Oui. C'est pas forcément 5 minutes. Qu'on a pour écrire une chanson, il faut déjà être dans l'ambiance, dans le truc, enfin, ou composer. Tu peux vider le lave-vaisselle en 5 minutes. Mais le lave-vaisselle, très bien, oui. D'un côté, autant j'ai beaucoup d'inspi, parce que c'est vrai que j'ai plein de musiques en tête que je veux développer, etc. Mais en fait, c'est quand il faut les poser, je me dis, ah ouais, c'est pas pareil quand même. Parce que dans l'imagination, on imagine plein de choses, on a l'univers, on a tout, mais quand il faut le poser sur un logiciel et enregistrer, etc., enfin, faire l'instru, c'est ça, pas aussi simple. Ça marche moins bien. Et trouver tous les sons qu'on veut, parce qu'il y a quand même beaucoup de sons proposés, il faut chercher, il faut... Et puis là, je commence à travailler plus sur un autre logiciel qui est plus professionnel que le premier que j'utilisais, donc il est pas très simple. Et c'est vrai que des fois, on se dit, oh, j'ai pas envie, ça sert à rien, j'ai pas d'inspi, mais en fait, il suffit juste de se lancer dedans et en fait, on va énormément avancer. C'est quoi la ref pour ceux qui connaissent du logiciel? C'est Cubase. Ah bah oui, je sais Cubase. Pas si ça se dit comme ça. Ouais, si, ouais. Non, mais tous les logiciels. Enfin, tous. Logiciel anglais, Cubase. Ouais. Ouais, ou en français, après, Cubase, je parie. Qu'il est pas simple. Non, il est pas forcément super intuitif, mais c'est vrai c'est que tu peux aller loin. On va dire des logiciels professionnels. T'en as déjà utilisé par le passé dans d'autres domaines, des logiciels professionnels ou pas? Non, pas dans la musique en tout cas. Mais, Non, mais bon, la problématique, c'est que c'est fait par rapport à. Une façon de voir les choses par rapport aux professionnels. Donc, oui, si tu n'as pas pris la méthodologie, tu auras des problèmes, mais petit à petit ça va venir. Ouais, et puis étudiant, là, ça va venir. M'habituer, etc., à savoir ce qu'il faut mettre. Pour le mixage, tout ça. Après, je suis pas du tout une pro parce que je pense que c'est vraiment un métier, hein, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai suivi une formation. Il faut tâtonner, faut fouiller. Ouais, c'est ça. Une formation de 24 heures, donc. Et puis il y a les tutos maintenant sur YouTube aussi. Ouais, les tutos YouTube, ça marche bien. J'ai pas tout retenu. Non, mais c'est vrai que les tutos, ça aide pas mal. Et puis passer du temps, de toute façon. Et puis l'avantage, c'est que quand t'as pris le pli sur un, alors évidemment, il y a des différences entre les logiciels, mais que ça soit Cubase, Amplitude ou autre, il y a quand même des ressemblances dans la méthodologie. Je reviens sur l'inspiration. Est-ce qu'il y a une heure? Une plage horaire dans laquelle tu t'es plus inspiré. Non, mais je dis ça parce que réellement, enfin, moi je sais qu'entre. Franchement, entre de 3h à 5h du mat, je suis inspiré. Et je sais que moi, genre entre minuit et 1h30 du mat, c'est là où j'ai la meilleure source d'inspiration, tu vois, quand je suis posé chez moi. Mais tu fais quoi? Tu dors pas ça, dort, d'habitude. N'importe quoi. Mais non, je dors pas. Pourquoi dormir? En général, je dors, ouais. Il a la meilleure fraise créative quand il dort, en fait. Ses rêves, ils sont magnifiques. Mais non. Il s'en rappelle pas tout le temps. Quand je suis réveillé, et c'est ma période la plus créative, plus que par exemple en matinée, mais ça dépend des gens, évidemment. Là où je suis le plus inspirée, plus créative, c'est bizarre, hein, mais c'est sur la route, en fait. Ah oui. Genre, des fois, j'invente des chansons sur la route. Enfin, ça me fait beaucoup réfléchir et tout. Conduire, pour moi, j'arrive vraiment à être hyper inspirée, c'est bizarre. Nessie, la chanteuse pas écolo. Ouais. J'ai besoin d'aspi, je vais prendre le 4x4. En Hummer, le gros SUV, tu sais. Ouais, mais ça donne pas la même aspi, tu vois. C'est pas pareil. C'est... Non, t'imagines encore pire. Genre, t'imagines, elle aurait répondu « Non, mais c'est quand je prends l'avion, ça. Ouais, ok, tu fais un chien. » Ouais, mais c'est pas la même aspi, encore une fois. De toute façon, je le prends jamais, alors... En ce moment, c'est compliqué. Tu sais que ça pose un problème, ça, en conduisant, hein, de faire autre chose, hein. Tu dois conduire, pas penser à autre chose. Oui, on pense tous à autre chose en conduisant. Non, il y en a qui pensent à conduire. Je chante. La bouche ouverte. Les gens me regardent et je chantonne pas dans ma tête. Je chante clairement. Puis les gens, ils doivent se dire, mais d'accord. Il y en a beaucoup qui. Excellent. Et là, c'est là les que. Gens, ce soir, se disent, ça va, si tu chantes pas faux, ça devrait pas choquer les gens. On s'en fout. Faux ou pas, ils entendent pas. Ça, c'est bon, ça. Parce que, imagine, ils entendent. Enfin, la fenêtre est entrouverte ou quoi que ce soit. Et ben là, ils entendent un titre de Macy. Mais en fait, ils entendent le préambule. Bah oui, c'est ça, l'exclu. Ouais. Et en fait, ça sera un titre, mondial. Le fais, bah ouais, c'est totalement. Le mec qui sort son enregistreur, le futur type de Macy a fuité, tu sais. Et ça fait le buzz sur la toile. Et justement, la suite, Macy, comment tu l'envisages? Est-ce qu'il y a un projet de EP, d'album qui est en préparation, ou tu comptes sortir les titres comme ça au goutte à goutte, un par un? Ça se passe comment? C'est une bonne question. Là, je veux continuer. Je pense que je vais être plus régulière déjà d'essayer de sortir des musiques un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que j'ai laissé il y a eu quand même un grand espace entre les deux musiques. Mm-hmm. Après, c'est parce que j'avais du mal à me remettre dedans. Enfin, des fois, on se décourage un petit peu aussi. On se dit, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup, etc. Après, je me suis dit, oui, tu fais, et tu fais, après, et tu verras bien dans tous les cas. Tu fais, tu kiffes, quoi. Après, voilà. Ouais. Ouais, le contexte est de particulier en ce moment aussi. Ah, le contexte est particulier, évidemment. C'est ça. C'est ça. Et après, je pense que pour l'instant, je vais les sortir un petit peu au compte-gouttes. Ouais. Et je vais partager, je vais essayer de me faire connaître par des petites plateformes, etc. Là, j'ai testé avec une petite plateforme qui envoie à plusieurs influenceurs, plusieurs petites radios, et en fait, on a un retour obligatoire, sinon on est remboursé. D'accord. C'est pas très cher. Et du coup, j'ai eu quelques retours. Ouais. Après, j'ai eu une petite radio, je crois, qui m'a diffusé, enfin, qui m'a mis sur sa plateforme. C'est okay. Pas nous, nous, c'est une grande. Nous, c'est la grande radio. C'est la grande radio, ok. Voilà, c'est mal. Il est sa radio mondiale. Oui. Et du coup, j'ai eu des retours. Après, c'est vrai que la première n'était pas forcément dans leur style, mais ils m'ont dit que par la suite, ils aimeraient bien entendre ce que je faisais d'autre. Donc, je pense que je renverrai. Ouais, faut s'acharner, hein, faut renvoyer tous les chiffres. Je teste un petit peu tout. Exactement. C'est pas simple, mais bon, je me dis. Et en termes de financement, tu t'en sors? Enfin, c'est-à-dire que là, pour le moment, tu fais ça dans ton home studio, donc t'as investi dans ton home studio. Dans mais, sa chambre, elle a dit. Oui, mais ouais. Est-ce que là, tu envisages à un moment donné de sortir sur un support physique ou des choses qui demanderaient un petit peu plus d'argent ou de faire appel à un studio, par exemple, de mastering ou des choses pour pousser un peu plus loin le truc? Est-ce que ce sont des choses que tu envisages déjà et est-ce que tu as un plan de financement? Je suis la banque. Alors, ce soir. J'ai déjà testé. En fait, la première, je l'ai envoyée à deux studios. Ouais. J'ai envoyé un studio qui ont mis énormément de temps à me la faire, alors qu'ils m'avaient dit deux semaines. Et en fait, ils ont mis plus d'un mois, je crois. Donc ah ouais, ok. Voilà. Ouais, pour le prix, je me suis dit, c'est pas très pro. Et en fait, je pense qu'ils m'ont clairement un petit peu oublié. Vu que j'étais pas sur place et tout, ils se sont dit, bon, enfin, c'est les projets, je pense, envoyés par mail. Des fois, ça passe malheureusement un petit peu à la trappe. Et en fait, le résultat, enfin, c'est eu l'impression que j'ai eu et j'ai demandé des avis parce que je voulais pas rester là-dessus et j'ai eu l'impression que c'était assez bâclé et c'était vraiment pas ce que je recherchais en termes de mixage. Ouais. Après, je dis pas que j'ai fait mieux ou que je suis une pro pas du tout, mais j'avais mon idée en tête. Ça correspondait plus. Je me suis dit, bon, fais-le quoi. Même si c'est pas parfait, fais ce que t'as envie de faire. Bah, je pense et que. J'ai renvoyé un deuxième studio après. Ah oui. Ça m'a pas forcément. Bah, j'ai attendu énormément de temps aussi. Ouais. Et ils m'ont mis de l'écho à mort. Ah oui. Même mon frère m'a dit, mais on dirait que tu chantes en montagne, quoi. Ça va pas. Ah là là. Excellent. Ils se sont dit, en Sarthe, il y a des montagnes. Je dénigre pas du tout les studios parce qu'il y a des studios. Le studio était à Grenoble monstres. Alors mais pour non, même pas. Il y en avait un avant. Et non, mais il y a des. Enfin, j'ai confiance en les studios. Il y a des studios qui font un travail monstre et tout, je le sais. Mais je pense que j'ai été vers des petits studios et qu'ils avaient peut-être des projets un peu plus intéressants ou de voir les personnes en vrai, ça. C'est pas pareil, peut-être le fait que les personnes enregistrées directement là-bas aussi, ça... Ouais, c'est ça, je me dis, est-ce que l'idée dans un studio pour d'ailleurs avoir un son qui te ressemble aussi, un mastering qui te ressemble, tout en bénéficiant du matos et des conseils de pro, est-ce que c'est pas aussi d'être assez... proche de ces gens-là dans le sens où tu peux te déplacer en studio, voir avec eux, en parler de ce que tu attends aussi de ta musique parce que c'est vrai que la patte de l'artiste elle est propre à chacun aussi et quand t'envoies une musique tu peux faire tous les studios sont capables de faire quelque chose d'assez mainstream et qui va passer partout mais après c'est ça va pas forcément te différencier non plus du reste quoi. Ouais, c'est ça, parce que par mail, je mettais juste mes instructions sur un Word ou un PDF. Ouais. En fait, ça doit pas être facile pour eux. Parce Il faut le vivre. Je pense qu'il faut vraiment enregistrer sur place pour avoir ce qu'on cherche, d'être en lien directement avec les personnes. C'est carrément plus facile. En parlant de sur place. Et puis, ce que je te félicite, Anaïs, pour ça, c'est qu'en fait, t'es restée quand même sur tes opinions et ce que t'avais envie d'avoir, parce que t'aurais très bien pu te dire, je prends un truc du studio parce que c'est studio et on va passer comme ça parce qu'ils ont décidé comme ça, mais non, enfin, je veux dire, il y a plein d'artistes, même au niveau professionnel qui vendent des disques et tout, il y en a qui disent non, je veux pas. Petite anecdote queenesque et puis je vais par hasard. Je voulais en balancer une. Non, mais c'est pour la célèbre chanson Bohemian Rhapsody, c'était un de leurs tubes international et en fait, à la base, s'ils avaient écouté leur studio, elle serait même pas passée parce qu'ils disaient non, mais c'est trop bizarre et c'est trop long. Le format radio, c'est que 3 minutes, on peut pas passer 6 minutes à la radio. Et puis c'est quoi cet opéra, Galiléo, c'est quoi cette merde? Alors qu'en fait, ils ont dit tu sais quoi, on se casse, on va faire notre truc nous-mêmes et hop, ils ont réussi en fait. Ouais. Donc je pense qu'il faut aussi. Les plus gros cartons ont une prise de risque. Il y a des professionnels, mais faut quand même garder ses valeurs et ses opinions, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, les studios savent ce qui fonctionne, mais ne savent pas. Ils prennent pas de risque. Ouais, ne veulent pas prendre de risque. Et souvent, c'est quand on prend des risques. Alors, ça peut complètement foirer, évidemment, mais des fois, on est surpris. Mais c'est plus intéressant, oui. Les studios, les radios, tout le monde est surpris parce qu'il y a quelque chose qui prend, parce que le public est fan. Parce qu'ils ont marre d'entendre toujours la même chose qu'ils marche, mais un truc qui choque l'oreille, un truc qui est différent que d'habitude, C'est ça. Ça se démarque obligatoirement. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est en termes de prise de risque, un grand studio va te dire ça effectivement, c'est tu parlais de Queen, d'avoir une chanson déjà qui dure 6 minutes que les radios acceptent de la passer et en plus avec un morceau d'opéra à l'intérieur, etc. C'est vrai que c'est de la grosse prise de risque. Après, quand le titre est excellent et que le truc te rentre dans la tête, bah en fait ça surpasse en fait tout le reste et ça en fait aussi la force du titre. Et on apprécie écouter les 6 minutes à la radio et ça choque personne parce qu'en plus ce titre-là en particulier, mais il y en a plein d'autres, mais ce titre-là, il y a des phases en fait dans la musique, ce qui fait que t'as l'impression d'écouter. Il est très rythmé en fait. Oui, t'as l'impression d'écouter 3-4 musiques différentes alors qu'il y a qu'un titre, donc c'est cool aussi quoi. Ouais. Après, quand on parlait de tout ce qui est financier, etc., là j'ai un petit peu. J'ai investi hein, c'est sur une année, mais sur un site en fait qui a été développé par des Américains et qui aide les personnes pour le mastering. Ouais. Et en fait, on envoie notre musique, et c'est un logiciel en ligne. Alors après, je dis pas que c'est le meilleur des trucs, mais vraiment, je trouve que. Enfin, je l'ai fait sur mes deux musiques et. Comparé à ce que j'ai dans mon logiciel, mon son brut et ce qui en ressort. C'est le logiciel qui fait le traitement. Bah en fait, on envoie notre musique, on la met en ligne et puis le logiciel, se charge de faire le mastering, de régler les défauts. Après, je dis pas que c'est parfait. Ouais, bien sûr. Mais franchement, le son qui en sort, il est vraiment 10 fois mieux que le son brut qu'on peut avoir sur un logiciel qui est pas du tout masterisé. Après, j'aurais pu le faire moi-même. Mais je me suis dit, je vais tester les deux. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout une pro du mixage mastering. Je pense que c'est vraiment l'ingé son qui s'y connaît à fond là-dedans. Je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce quand même. Parce que mais c'est ça qui est génial faire, quand même aujourd'hui. C'est que tu vois, tu peux composer dans ta chambre ayant bossé un petit peu sur les logiciels et en commençant à comprendre comment ça fonctionne. Le mastering, tu as des outils qui existent qui te permettent de faire. Déjà des choses qui sont très correctes, tu vois, au niveau mastering. C'est-à-dire que si tu veux après pousser plus loin et que tu as les ressources aussi financières pour le faire, tu pourras faire appel à des grands studios. Mais déjà ça te permet aujourd'hui de pouvoir proposer des titres qui sont en termes de mastering qui sont aussi qualitatifs que le temps que t'as passé à faire la compo. Parce que il y a 20 ans tu pouvais être un as par exemple de la guitare si derrière tu pouvais t'avais pas le matos pour l'enregistrer, de faire le mastering, etc. Bah en fait t'envoyais ça à une radio ou à un studio, etc. Ils te squeezaient alors que pourtant la base et la chanson pouvaient être excellentes, mais en même temps il n'y avait pas la possibilité de proposer quelque chose de propre. On le voit sur YouTube aussi hein. Maintenant on t'investit dans une caméra, un bon micro et t'arrives à faire des choses qui sont de qualité. Mais il faut le cercle lumineux aussi. Oui. Sinon s'il n'y a pas le cercle, je suis désolé. Mais cercle lumineux ça coûte 30 balles, tu vois ce que je veux dire. C'est que tout ça c'est rendu accessible alors que c'était des choses qui étaient inaccessibles il y a quelques années quoi. Puis franchement le logiciel est pas super cher à l'année. Je peux mettre 50 sons par mois, ça augmente pas. C'est vraiment, franchement, pour moi, c'est un peu révolutionnaire parce que je pense qu'il y a énormément d'artistes qui composent seuls, etc., qui galèrent, je pense vraiment, pour toute cette partie-là. Et je pense sincèrement. Et je pense que c'est vraiment super bien en fait. Après, ils sont encore en train de surdévelopper tout ça pour que ce soit de mieux en mieux, mais ça aide beaucoup de gens quand même. En parlant de galère. Théo, ce que tu disais, donc à contrario, donc c'est bien d'avoir ça chez soi, mais à contrario, maintenant, les studios, les décideurs, etc., maintenant attendent obligatoirement quelque chose de propre. Alors qu'avant, même si c'était pas très propre, ils pouvaient faire attention. Maintenant, si c'est pas propre, justement, parce que tout le monde est plus ou moins équipé. Si t'es pas équipé, Mais justement, il y a quelque chose aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Daniel, parce que t'as raison. Mais par contre, un studio doit aujourd'hui avoir une valeur ajoutée qui est encore meilleure que celle d'hier. C'est-à-dire que, comme tu disais, Nancy, si j'envoie ma prod à un studio que je vais payer pour faire un travail, etc., dessus, j'attends que le travail qui soit effectué dessus soit meilleur que si je mets sur mon logiciel qui va traiter mon son. Et du coup, les studios aujourd'hui ne peuvent plus, pour moi, se permettre de faire quelque chose de simplement passable en fait. Ils doivent faire quelque chose qui est au-delà de ce que arrive à faire un logiciel. Voilà, vraiment avec la patte de l'humain aussi qui est dessus quoi. Absolument. Entièrement d'accord. Petite question, parce que là on parle de la musique que tu fais chez toi et tout. Mais il y a un autre, il y a une autre façon de, enfin, de, plutôt de, non pas faire de la musique, enfin si, moi aussi faire de la musique ou de faire écouter ta musique. Oui. C'est sur scène. Ah oui. Est-ce que tu as prévu de faire des scènes? Est-ce que tu t'es dit tiens je vais aller monter autre part sur la terrasse de chez les grands-parents? Oui. Plutôt que dans le jardin. Tu vois, je monte cette fois-ci. Non non mais c'est ça. Après c'est cette. J'aurais beaucoup de public là-bas. Mais... Et alors je rajoute une question à celle de Teddy. Est-ce que un duo sur scène de le duo de tes rêves hein, avec avec un autre artiste sur scène. Ah, ça fait double question ça. Et d'abord, est-ce que t'as prévu de faire des scènes? Pour les scènes, pour moi, j'ai pas encore assez de contenu. Enfin, ouais. Je pense qu'il me faut plus de contenu en fait, vraiment pour me dire bah tiens, d'accord. Je vais aller me présenter ou faire une terrasse. Ou pas. Enfin, je pense qu'il faut la fête de la musique. Bon, apparemment, pour la terrasse, t'as ce qu'il faut. Hein. Mais ce sera pas chez mes grands-parents. Je pense pas que j'aurai beaucoup de public. Et un duo. À part Laura. Le duo de rêve. C'est une bonne question. Bon, pas avec moi, pas avec Teddy, pas avec Théo. Peut-être. Pourquoi Laura, pas avec Teddy? Teddy chante toujours bien. Ouais. Avec de l'autotune, très bien. Mais totalement. Bon, avec Laura, si tu fais Queen, c'est bon. Ah oui. Laura, ouais. Jolane, je sais oh pas. Oh là là, tu me flattes, tu me flattes. Ah, avec Depeche Mode, pourquoi pas? Mais non, ils sont morts. Je sais pas trop là, comme ça. Bah oui, avec Depeche Mode. Non, ouais, non, c'est vrai, j'y ai pensé en plus, mais. tu vois non, mais j'y avais pensé, mais même avant, je me disais, ah, ce serait bien, même de le rencontrer, ouais. Enfin, un chanteur. Mm-hmm. Mais ouais, je pense t'as que. T'as de la chance, toi, il est encore vivant, parce que ouais. Moi, voir. Ah bah, c'est vrai que Freddie Mercury, il a, c'est un peu au cuit. Moins, hein. Au moins, il bouge plus. Non, mais en plus, ouais, hein. Le chanteur, je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est le sosie de mon père, enfin, quand il était jeune, tout ça, enfin, il ressemble vraiment à mon père, je sais pas, je. Enfin, quand je le vois, j'ai l'impression de voir mon père. Et t'aimes bien ton père, du coup? J'espère. Non, c'est pas mon père. Non, je le déteste. Ça se trouve, c'est lui qui chante. Bon, hein. Mais ouais, je pense que Depeche Mode, j'aimerais beaucoup reprendre une chanson avec eux en live ou un truc comme ça. Ouais, je pense que ce serait un beau duo. Ouais. D'accord, ok. Mm. Alors, rien à voir avec mon style de musique. Mais non, mais non, mais en même temps, enfin voilà, c'est aussi chouette de se dire que enfin deux artistes avec des univers différents peuvent composer ensemble ou faire une scène ensemble ou faire des choses. Ça peut donner des mélanges. Bah c'est ça, une ouverture aussi, ouais. Exotique. Oui, c'est clair. Ouais, c'est si tu veux. Ouais. Bon, Nessie, on l'a un petit peu dit, mais que tu es une artiste complète parce que en plus de la chanson, tu écris aussi, tu fais du dessin, de la peinture, donc on va en parler avec Daniel dans un instant, mais avant on va écouter ton deuxième titre donc, qui est sorti aujourd'hui, Reason and Poesy, RAP, donc c'est du Nicey, c'est sur Indestar et c'est dans cette émission à la maison. Nothing and nobody will be able to separate us. Le dernier titre de Nicey sur Indestar, R.A.P. Rhythm and Poesy. Exclusivité Indestar hein, ce soir dans cette émission à la maison. Vous cherchez Nicey, donc N-A-Y-C-I-E en majuscule, avec notamment le titre Baby Blue que vous trouverez sur YouTube. Voilà, et puis tu as une page Facebook aussi, Nicey. C'est bah, pour la trouver directement @Nicey95. 95, pourquoi 95? Parce que c'est la meilleure année, c'est wesh. Mon année de naissance. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu crois? Représente. Ouais, je t'aime bien, ouais. Non, non, pas le 95. Non, non, mais 95, c'est la meilleure année, attends. Oui, oui, oui. Bah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est du 7-2, c'est là, sort. Non, j'ai pas dit. Nicey 72. Ça pourrait, ça pourrait. Bon, ça en tout cas, aimé. Voilà. Pour retrouver Nicey sur, sur les réseaux et redécouvrir sa musique et aller plus loin, Nicey, donc on disait que en plus de la musique, artiste sur paire complète, puisque tu fais aussi, bah, tu écris, tu fais du dessin, tu fais de la peinture. Daniel, t'avais d'ailleurs quelques questions à ce sujet à lui poser. Oui, parce que j'ai envoyé en espionnage mon petit doigt qui a été faire une enquête et puis il m'a rapporté... petit doigt bionique, c'est le truc qui s'en va, il y revient. Puis je l'ai envoyé, voilà. Alors, bah, Nicey, t'as commencé à écrire. T'as commencé à écrire quand? Est-ce que ça a pris aussi tôt que la musique ou est-ce pas bon ton espion. C'est venu depuis avec la composition de chansons et donc l'écriture aussi de textes. Alors non, l'écriture c'est venu avant la musique, enfin un petit peu avant. J'ai commencé à écrire et j'ai écrit beaucoup d'ailleurs de pages et j'ai pas terminé, mais je crois que je suis à plus de 200 pages, ouais. Enfin... Ouais, pas mal. Ouais. Et donc c'est le premier, ça? Le premier livre? Oui. Ah oui, oui, il y en aura un deuxième, ouais. D'accord, et c'est une histoire personnelle, c'est une histoire fictive, c'est un mélange des deux, c'est quoi? Alors, c'est un... Je dirais un mélange des deux, mais à la base, c'est basé sur ma relation avec Kevin, du coup. Sauf que j'ai vraiment... Enfin, j'ai pas remis nos... C'est pas une biographie, quoi que ce soit. J'ai pas repris nos prénoms, etc. Et puis, il y a mon imagination aussi qui s'est mis... qui s'est rajoutée. Donc, c'est un petit peu fictif. Mais la base, toute la base est vraie, en fait. Enfin, le fond est vrai. La forme est un peu différente de la réalité. Parce que forcément, quand c'est une histoire... On développe, il y a toujours des choses qu'on raconte de façon plus belle, enfin. Mais ça part vraiment d'une histoire du coup personnelle. Oui. Et cette partie fiction, t'as été la puiser où dans des... Pas dans Star Wars, si c'est ça ta question. Ah bah c'est dommage, je vais être perdu là. La partie fiction, j'ai ou beaucoup... plusieurs endroits. Tu peux l'avoir puisé bah, dans la vie de tous les jours, dans des œuvres, dans ta tête. Voilà. Pas forcément des œuvres, mais déjà ma musique Baby Blue, c'est un peu, on va dire, un passage de mon livre entre guillemets. Et j'ai pris des, comment dire, des endroits de la vraie vie, par exemple. La Sarthe. Là où il allait souvent, par exemple. Mais je l'ai tourné un peu en mode fictif, quoi. Enfin, c'est pas. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais y a des moments où c'est beaucoup d'imagination. Enfin, j'ai beaucoup pris dans mon imagination, en fait. Je suis quelqu'un qui imagine beaucoup. Il suffit que je mette un petit fond de musique et voilà, je me fais un univers et je l'écris. Mais la base reste vraie parce que pour moi, c'est de base mon histoire personnelle avec lui. Mais après, je me suis inspirée, bah, par exemple, des musiques qui me font ressentir des choses, qui me font imaginer beaucoup de choses. Des endroits aussi clés, par exemple, Indianapolis, le virage des 24 heures du Mans. Enfin, plein de choses. C'est quoi ça? Où il aimait aller. C'est des virages du circuit. Ah, ouais. Et après aussi le côté où j'étais très très croyante avant et je me suis beaucoup inspirée du côté un peu spirituel. Enfin, alors c'est pas forcément basé que sur la religion, mais c'est un côté spirituel dans le sens où ça parle beaucoup, pas mal du deuil. Enfin, bon, c'est pas que triste, hein, c'est une belle histoire d'amour. J'ai une question aussi là-dessus. mais je pense que ça fera pleurer. Mais c'est bien tout. Enfin, j'ai vraiment essayé de tourner ça au mieux et de faire quelque chose de vraiment beau et de faire d'écrire ce que le cœur peut pas forcément exprimer à une personne quand d'écrire vraiment avec le cœur ce que nous on peut pas forcément exprimer à une personne quand on l'aime. Enfin, des fois on dit je t'aime mais ça suffit pas en fait. Enfin, on n'arrive pas à vraiment dire ce qu'on a dans le cœur et pour moi l'écriture, bah, c'est la base en fait, c'est vraiment la racine de ce qu'on a dans le cœur, et pour moi c'était la meilleure façon de raconter notre histoire. Par contre, tu as parlé du virage d'Indianapolis, alors. Ouais. Donc le circuit des 24 heures du Mans. Alors pour nos amis qui connaissent pas le circuit du Mans, en général, à peu près tout le monde connaît la ligne droite des Hunaudières, qui a été malheureusement coupée avec des chicanes. Ouais. Tu peux situer à peu près le virage d'Indianapolis par rapport aux Hunaudières. Vous avez la ligne droite des Hunaudières qui va vers Mulsanne. Ouais. Vous avez le rond-point Mulsanne que vous prenez à droite. Attends. Vous avez une grande. Il y a Leclerc. Franchement, quand tu viens du Mans, t'es obligé de connaître le circuit par cœur. Bah oui, attends, forcément. Bah oui, oui. Non, vous avez après le rond-point. Merci Laura. Une grande ligne droite. Et puis après, vous avez le virage d'Indianapolis où il y a des bandes bleues et jaunes avec un peu de gravier. Oh, c'est une route. Il y a des vibreurs. Non, t'as pas des vibreurs dans toutes les routes. Je me rappelle bien celui-là. Oui, c'est ça, ouais. Il est très dur, ce virage-là. Faut pas aller trop vite. À chaque fois que je suis passé en voiture dessus, je me suis amusé à rouler sur les vibreurs, en fait. J'ai fait une petite aparté parce que c'est quoi des vibreurs? Il avait pas de siège maçon, Daniel, du coup il passe sur les vibreurs. C'est le problème. Quant à ça, on va te laisser la parole, Jolan, t'inquiète pas. Oui, bah pas alors, je finis donc, et à chaque fois que je vais me faire foutre, clairement. Ça vibre tellement, ils font comment pour encaisser les vibrations dans le volant? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Oui, Jolan. Oui, du coup, moi, je voulais faire une petite aparté parce que vous parlez du Mans. Moi, j'ai conduit sur le circuit de la Maison Blanche et ouais, même si le circuit est un peu plus petit, les virages sont pas évidents non plus. Il y a un circuit à la Maison Blanche. Ah ouais. David, pour le président américain. Il y a un moment qui s'appelle la Maison Blanche. Pour voiture télécommandée. Je croyais que c'était Trump ou je sais pas qui. Ah non, mais non, mais il n'y a pas du tout le Mans. Il est plus là, il est plus là. T'es dit. Ah oui, mais non. Oui. J'avais deux questions, j'en ai oublié une sur deux. Mince alors. Alors la deuxième. Vous parlez de vibreurs sur route, mais c'est quoi ces trucs? Mais tu sais, c'est ce que t'as sur les côtés du circuit pour. Je sais pas, j'ai jamais vu un circuit. Oh là là, ouais, non, mais faut tout expliquer alors. Des courses de F1, bah non, c'est pas des chicanes, je sais plus comment. Écoute, tu vas. Non, ce sont les vibreurs. Écoute, tu iras sur le circuit du Mans, tu feras le tour. Bah non. Et tu verras. Non, Laguna. Ah non, je vais pas au Mans, moi, c'est mort. Mais pourquoi? C'est pas ce week-end parce qu'il y a le GP. Donc, ça voilà. Il y a JP? Non, GP, le GP. Non, mais il est bon. Non, on est pas dans. Ah, on est très loin de la boulangerie, je suis désolé, Teddy. Grand Portugal. On revient peut-être sur le côté littérature et c'est pas mal. Hein. Non, mais ça, c'était le quart d'heure Théo, excusez-nous, faut toujours parler. Vous avez fait un virage voiture, quoi. Oui, non, mais on n'a pas parlé de voiture. Ne le lancez pas. Alors, Nessie, je suis un petit peu embêté parce que j'espérais que tu aies des inspirations pop culture, des choses comme ça. Parce que t'es un peu dédié théoriquement à la pop culture. Et là, franchement, tu me poses des problèmes. Mais alors, pas du tout, tu vois. C'est ton problème, Daniel. Mais on s'en branle, Daniel. Je suis désolée. Non, mais genre, d'où tu dis ça à une invitée? Bon, tes réponses, franchement, ça va pas du tout inspirer. Elles sont pas très pop, tes réponses. Les invités qui me connaissent, ils sont habitués. Bon, elle me connaît. C'est pas, tant pis. Hein. Ah oui, elle savait pas. Mais elle a plus envie de te connaître maintenant. Mais elle veut plus maintenant. Ça, elle veut plus te connaître. Hein. Et donc en peinture, sinon, et en dessin. Elle veut plus le voir non plus. Alors, je sais. Justement, on va. Ouais. Ni en littéraire, ni en peinture. Elle veut attends, plus je continue, voir. On va y arriver. Ouais, pardon, Daniel. Ça folle pas. Alors, toujours, mon petit doigt était enquêté chez toi, donc. Tu fais des dessins, c'est mais il y a beaucoup de gens qui font des dessins de. Alors, soit de paysages, soit leur héros de bande dessinée préférée. Mais non, toi, donc, ce sont des portraits. Ah si, j'ai fait Wonder Woman. Mais... Ah, ah de la pop. Ça y connaît. Ça y connaît. Oh, là, Wonder Woman. En même temps, Wonder Woman, quand même. C'est l'héroïne ou... l'actrice, c'est le personnage, c'est les Marvel, c'est le costume, c'est... C'est le film. Et du coup, c'est de. C'est du film avec Wonder Woman. Laquelle, Gad Gadot ou l'autre, Gad la vieille Gadot, ouais. Ouais. Non. Je sais plus son nom, je crois, c'est Lynn. On s'en branle. Ah, je peux pas dire. Ouais, c'est trop vieux pour nous, de toute façon. C'est Linda, je sais plus comment, l'autre. Ouais, mais elle vaut pas Gad Gadot, quoi, clairement. Ouais, voilà. Ça c'est sûr, oui. Pourquoi tu as aimé le film ou c'est juste l'actrice? Moi ? Bah, j'aime bien l'actrice. Enfin, non, non, que... notre invité, vu qu'il faut que je parle de nos invités. J'aime bien l'actrice. Enfin, je trouve qu'elle interprète bien le personnage. Et puis, je sais pas, j'ai été inspirée. Je trouve que son costume, je sais pas si on peut dire ça comme ça, il est vraiment sympa. C'est un costume, hein, si. Ouais. Et puis, j'ai joué un petit peu avec les ombrages. Enfin, j'avais envie de la dessiner, quoi. J'ai été inspirée. Est-ce que tu ferais pas une musique Wonder Woman un jour ? Ah ouais. En hommage à Wonder Woman ou à Gal Gadot, ouais. Comme tu veux. Va savoir. D'accord. Et ça, tu l'as juste fait en dessin, tu l'as pas fait en peinture ? Non, pas en peinture, parce que c'est vrai que quand je dessine des personnes, je les fais pas forcément en peinture. Après, je fais des animaux en peinture, enfin, j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai fait, c'est mon frère que j'ai fait en peinture sur sa moto. Sur une toile, en fait, mais on sait pas de la pop culture. Et... Non, mais quelle est la peinture ou le dessin dont tu es le plus fier ? J'ai fait Gainsbourg, j'ai été contente. Mais après, c'est pas non plus. Et attends, il est pas très beau, Gainsbourg ? Ah bon, on n'a pas dit qu'il était beau, mais. Ah, bah, oui, c'est vrai. T'es pas obligé de faire des portraits des gens. Attention, j'aime bien Gainsbourg, c'est pour ça. Enfin, d'accord. C'était un été où j'écoutais beaucoup Gainsbourg et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais faire ça. Mm-hmm. Général, Teddy, les gens, quand ils font Gainsbourg, c'est pas pour faire quelque chose de beau, non. Mais c'est pour ressortir des impressions. Ouais. Parce que suivant la façon, le moment, ou suivant plein de choses, c'est quelqu'un qui n'avait jamais la même expression de visage. Je l'ai fait quand il était assez jeune, moi. Mais et j'ai fait Brigitte Bardot aussi, mais c'est pas c'est un petit portrait comme ça, c'est pas. Mais je la. Elle était jeune aussi, je suppose. Oui, elle était jeune. Ouais, c'est bon, là, vaut mieux. Vaut mieux. Mais on va en reparler. On est méchants, on est méchants. Ouais. Non, Brigitte Bardot, j'adore aussi. Enfin, je la trouvais magnifique et tout, donc j'avais envie de la faire. Et puis. Et celui dont je suis le plus fière, je pense que c'est la peinture de mon frère que j'ai faite. Ouais. Parce que. Il y a un côté sentimental, alors qu'avec Brigitte Bardot. Bah ouais, et puis j'étais vraiment contente parce que je me suis dit, j'ai fait ça avec de la gouache et un peu d'acrylique et c'était pas simple. Et je me suis dit, franchement, ça rend bien. Donc, non, j'étais contente, puis ça lui a fait super plaisir. Donc, ouais, c'est je pense que oui, il y a le côté. Ça, ça avec trois cailloux et une branche et ça donne quelque chose de bien. Non, mais c'est bien, t'as répondu, c'est bien. C'est cool, c'est bien. Et t'as travaillé qu'avec de la gouache et de l'acrylique. T'as pas fait d'aquarelle, t'as pas fait d'encre, t'as pas fait de. C'est déjà non, pas mal, hein. D'aquarelle. Non, non. Pastel, après, je voulais. Non, je voulais faire. Bah, j'ai fait les portraits au crayon papier, je voulais faire avec le fusain et tout, mais j'ai pas. Enfin, au final, j'ai fait au doigt, quoi, pour faire les ombrages. Oui. Mais... Ouais. Oui, non, mais les ombrages, de toute façon, c'est très souvent que ça soit fait au doigt. Hein. Ça, ouais, moi je trouve pas, ça. Plus c'est pas un défaut. Hein. Beaucoup de dessinateurs font comme ça, hein. Y a pas de secret là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de poterie, mais on en est pas loin là. Tu peins, tu chantes, tu composes, tu. Ah bah oui, mais poterie, c'est les prochaines pas loin. Années. Mais oui, mais c'est sûr. Dans 2 ans, elle est potière, hein, clairement. Oui, mais la poterie, la pop culture. Ah ben ça va toujours pas très bien. Enfin, c'est plus culture que pop culture, tu vois. À moins que tu dessines Wonder Woman dessus. Ah bah oui, ça dépend ce qu'on fait avec la poterie. Hein. Ah tu fais un Groot. Il faudra que je fasse ça. Une sculpture de Wonder Woman. Ah. Et puis... Marron. Voilà. Voilà. Bientôt tu feras peut-être Messi en peinture ou en dessin, je sais pas. Bah quand même se dessiner soi-même, c'est un peu. Ah bah il y a les autoportraits. Oh. C'est pas forcément évident apparemment de faire un autoportrait. Je pense que ça doit vraiment pas être simple. Non. Sinon tu fais Laura. Qu'on se voit différemment. Sinon faut prendre à partir d'une photo, je pense. Oui. Ouais mais je sais pas si en fait je sais pas s'il y a c'est pas compliqué tu vois entre la manière même si tu te vois en photo et la manière de réaliser ton corps là en dessin. Tu vois, une question de perception faut en fait. À détacher, je pense. Ouais. Faut te voir comme une personne extérieure en fait pour être. Je pense. C'est hein, un ça, peu compliqué. Ouais. La vue troisième personne, c'est compliqué. On se voit différemment aussi quand on se dessine. Enfin, je pense. Un autre regard en fait. Non, c'est donc, vrai. Soit. Mais j'y penserai. Daniel, quelque chose à rajouter ? Bah oui. Non, ah non. Parce que bah, finalement il n'y avait pas beaucoup de pop culture. Bah, oui. En fait, bah finalement ton sujet c'était un peu de la merde. Je me suis fait avoir. Ah, bah, désolé. Hein. Ah, désolé. Non, mais tu remets la faute sur Daniel. T'excuses pas, hein, t'excuses pas. Surtout pas, faut pas s'excuser avec Daniel. On en aura de la pop culture tout à l'heure. Ah non, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait des. Comme beaucoup de personnes qui font des romans, de la peinture, des dessins, il y a. Pas tout à fait la moitié du temps, mais des inspirations d'artistes contemporains, de personnages de BD, de lieux liés à la pop culture. Mais là, non, pas vraiment. Donc, non, mais si, voilà. Si j'avais dû répondre aux mêmes questions qu'Anaïs, moi, c'est vrai que j'écris aussi à côté. Et j'ai pas. Enfin, je lis, mais c'est plutôt genre des livres de psycho, de développement personnel et tout. Je lis pas beaucoup de romans. Et je veux dire, genre, j'écris des choses fictionnelles, mais j'ai pas une référence. De fiction à dire aussi, quoi. Je pense, enfin, merci Laura, Queen. Tu me sauves. Ouais. Oui, voilà. Ah, mais en même temps, ça compte pas, Laura, parce qu'elle vient de la Sarthe, elle aussi. Ça compte un demi-point. Ah là là. La sectorisation. Bon, on va parler de films d'horreur avec toi, Teddy. Ça, c'est pop. Ah, ça, c'est pop. C'est culture. C'est pop culture. C'est pop. Super, c'est dans la culture. En parlant de pop, reprise d'Ellie Goulding, artiste pop par Mia Rose. Maintenant, sur Indestar, ça s'appelle Burn. Émission à la maison jusqu'à minimum 23h. Restez là, les copains, les copines, et à réécouter, et bien entendu en podcast, cette émission sur toutes les plateformes. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Émission à la maison du vendredi soir. Oui, c'est peut-être déjà le week-end, déjà depuis un moment pour vous, hein, puisqu'on a un grand week-end pour certains et certaines d'entre vous. 4 jours de week-end. Non, pas pour toi, Teddy. Non. Genre. Pas chez tout le monde, malheureusement. On a besoin de manger du pain, désolé. Mais oui, oui, exactement. Il y a certaines professions qui sont obligées d'être là, notamment les boulangers, parce que oui, on veut notre baguette. Ouais. Nous avons la chance de recevoir Nessie ce soir en interview exclusive. C'est ta première interview, Nessie, ou on est deuxième, troisième ou dixième? Ah non, c'est ma première. Waouh. Quelle exclusivité. Ouais. Indestar, là où tout commence. Vous le savez maintenant. ce soir, donc, parmi la pop culture, n'est-ce pas, Daniel? Que aime ici. La pop culture étendue. Étendue. Il y a les films d'horreur particulièrement. Alors, Teddy, tu nous as fait quoi? Un petit top 5 J'ai fait un petit top 5. On aime bien les top 5. Je vais attendre une certaine validation de notre invité, Nancy. D'accord, c'est pour savoir si c'est un bon si film ou pas. Si tu valides ou pas, ouais. Ok. Alors, si tu le connais pas, bah tu fais au hasard. Ouais. Non, bah tu le dis. Les Nancy valides. C'est comme si tu connaissais, quoi. Tu fais du Teddy. Voilà, exactement. Ça, c'est. Ouais. D'accord. C'est très doué pour ça. C'est sa spécialité. Tu vas le voir tout à l'heure pendant le quiz. Quand il est sûr de lui, c'est qu'il n'est pas du tout sûr, en fait. mais je suis sûr à un niveau complet, hein, clairement. Mais bon. Sûr à 25%. Alors, des films d'horreur, j'en ai vu beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien, en vrai. J'ai pas de base pour me comparer. Plus que moi. Tu peux comparer à moi, plus. Alors, j'avais vu des milliards. Non, je sais pas. En sachant que dans cette liste, je les ai pas forcément tous vus. Ok. Mais j'en ai entendu parler et... En bien. Oui, non, enfin... un film d'horreur, tu peux en entendre parler en bien, enfin, en disant « Ah ouais, il m'a bien terrifié !» Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Et parce que t'as des films un peu parodiques, etc., en film d'horreur, qui sont des bad buzz, mais on a entendu parler, quoi. Je prends l'exemple de Shaun of the Dead. Sharknado. Un peu horrifique, non, mais... Non, ça, c'était pas un bad buzz, parce que c'est... je l'ai trouvé... Alors, oui, en faisant mon sujet, j'ai cherché des films d'horreur dans des listes. Je suis tombé sur un moment sur Shaun of the Dead. Oui. De la trilogie Cornetto. Qui est pas du tout un film d'horreur. Ouais, non, c'est drôle. C'est marrant. Sharknado aussi, c'est drôle. Alors, Sharknado, voilà, il est. Il... Franchement, Ils ont voulu le créer comme un film d'horreur. J'ai pensé à Baby Shark, hein, personnellement. Moi, ça me fait peur, ça. J'ai la phobie des requins. Ah oui, c'est vrai. Mort. Et parce qu'on rappelle, Sharknado, t'as des requins qui tombent du ciel, en gros, c'est l'idée. Ça a créé une catégorie de films qui a rien à voir avec les films d'horreur, c'est les catégories de films nanar. Ouais, nanar, c'est truc n'importe quoi. Mais oui. C'est comme j'avais vu un film avec des castors en peluche qui étaient morbides, qui tuaient des humains. Mais ils étaient en peluche, tu les voyais. C'est dans la tête du scénariste, tu dis qu'est-ce qui s'est passé. Pour vous donner une référence, c'est comme si vous regardez Star Wars et la poupée Yoda dans les trois premiers là qui bouge comme une merde. Enfin, oh, c'est horrible. Ah, désolé, je démonte Star Wars. Mais il y avait une idée derrière Star Wars, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tombe du ciel, tu non, je parle pourquoi. Juste de la poupée Yoda. Le castor qui bouge comme ça, mais. C'est... Non, ça fait pas peur, non! Ça n'a pas. Mais alors, t'as quoi dans ton top 5, Teddy? Alors, en 5, j'ai mis. On va rester dans le thème de l'eau. Alors, c'est pas les requins. Enfin, si, ça doit pas être loin hein, pour le coup. C'est le film Underwater. Il est sorti récemment, il est sorti en 2018. Ouais. Je vous laisse deviner, enfin non, je vous laisse pas deviner, hein. Underwater, c'est sous l'eau. Sous l'eau, quoi. Ouais. Ouais. Bah, il se passe des choses. Sous l'eau, ouais. Ouais. Bah, ouais, alors ok. J'ai pas vu celui-là. Moi non plus. Mais j'aimerais pas le voir pour le coup. Je vais pas le regarder. Alors, parce que c'est un film sous l'eau, alors, d'accord. En fait, c'est dit, sous-marin. Il va dire des noms de films, il va dire je l'ai pas vu. Ah, celui-là, je l'ai vu. Mais, j'en ai vu des extraits. Mais j'en parlerai pas. Mais comment dire. En fait, il y a plusieurs points pourquoi je l'ai mis dans cette liste, notamment parce que j'ai vu des extraits et aussi parce que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Subnautica. Subnautica, c'est un jeu qui se passe sous l'eau, que des fois t'as des monstres et des fois tu meurs. Oui. Et que tu peux rien faire. Donc, parce que c'est cruel la nature. C'est cruel la nature et ça m'a permis de développer. Parce que t'es, attends, juste pour me faire une parenthèse, dans Subnautica, t'es poisson. Non, t'es un humain. Ah, t'es un humain, d'accord. T'es un pauvre humain perdu sur une planète extraterrestre avec des poissons extraterrestres qui te bouffent. C'est pareil, tout va bien dans la tête des scénaristes. Hein. Tu as juste un coup de suisse à la MacGyver en guise d'arme. C'est ça. Ok. Et comment vous expliquer ça ? Je pense que j'ai développé une genre de petite peur, tu vois, de j'ai pas trop envie d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Ça s'appelle la thalassophobie. Thalassophobie ? Ouais, c'est pas, c'est un peu contradictoire le mot. Hein. Bah, c'est-à-dire que thalasso, moi je pense que c'est un peu un truc qui fait bien. Du bien, ouais. Ouais, bah quand tu fais une thalassophobie, et ben c'est. Ou à l'émission Thalassa aussi. Mais remarque, l'émission Thalassa est l'émission de la mer. Bah, c'est quand t'as peur des trucs sous l'eau. T'as pas peur de l'eau, mais t'as peur de ce qu'il peut y avoir sous l'eau. T'as pas envie de savoir. Je te rejoins, tu es pas le seul à avoir ce. Bah ouais, il y a beaucoup de gens en fait qui sont comme ça. Et, ouais. Ça les dérange pas d'aller dans la mer, comme moi, j'aime bien prendre des vannes de la gueule. Mais. Bah, moi j'avais expliqué que j'avais. C'est pas une phobie, mais j'aurais peur de faire de la plongée, de rester coincé sous un rocher. Ah, moi je préférais faire de la plongée. Parce qu'au moins tu vois. En théorie. Oui. Moi, c'est quand je vois pas que ça me. J'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe et de pouvoir faire un baptême de plongée, mais j'ai jamais réussi à mettre la bouteille d'oxygène et aller au courant. Du coup, il a fait un mètre de plongée, Jolan. La piscine municipale. Il est resté sur la plage. J'ai fait une crise de panique. J'ai fait. Ouais, non, je remonte dans le bateau, j'y vais pas. Ok, bah c'est dommage. Voilà. Donc en 5, c'était Underwater. Ouais. En 4, c'est un classique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'en est un. Je l'ai même vu. Attends, t'as pas fait valider. Ah bah non, tu l'as pas vu, Nancy, on est d'accord, celui-là. Non, je l'ai pas vu, celui-là. On peut pas valider alors. Personne l'a vu en vrai, je crois, dans l'équipe. C'est ça. Non, clairement. Non, pas moi, parce que je suis comme Théo, moi là. Non. Bah, le 4, je suis sûr que au moins Laura l'a vu. Je suis sûr. Ah. Sleepy Hollow. Laura, tu me déçois. Pourquoi Laura devrait l'avoir vu ? Je sais pas. Parce que c'est. Ah, mais c'est pas. Oui, c'est tiré. Le Cavalier sans tête avec Johnny Depp. Voilà, je crois, d'un roman anglais. Oui. Bah oui, c'est carrément. Ah, c'est anglais, pour ça, c'est pour ça. Donc t'étais obligé. J'en ai entendu parler, je crois, j'ai dû voir un extrait, mais j'ai pas vu en entier. Effectivement. Je l'ai vu même en cours. Mais j'ai lu l'histoire en anglais, d'ailleurs. En anglais, j'ai lu l'histoire. Langue anglaise, okay. Alors. Ok, on a compris. Ça okay. va. Okay. En anglais, hein. Ah, je n'ai pas d'autres argumentaires. Sans sous-titres. C'est pas mal, c'est pas mal. Et toi, Nancy, tu l'as vu ou lu ? Non, pas du tout. Ça me dit rien du tout. Ah, il est pas mal. C'est dans un univers. C'était la critique Indestar. Ah, il est pas mal. Ah, il est cool, ça fait. Regardez-le. Ah, c'est super. Ça parle de quoi ? Alors, mets-le sur ta liste. Il est à voir. Il est pas mal. D'accord. Ça va être un genre de docteur. D'ailleurs, ça se passe dans les années où que les docteurs c'était pas très bien vu. Surtout ceux qui étudiaient le corps humain. On sait qu'ils déterraient les corps humains pour étudier. Ah, oui. Oui. C'était très mal vu à l'époque. Bah ça se passe dans ces années là parce que je saurais pas les dire quand c'est d'accord ok ces années là dans un univers assez sombre où Johnny Depp interprète justement ce docteur et il va y avoir des phénomènes paranormaux, rien à voir avec paranormaux. La mort mais... oui paranormaux, c'est pareil hein. C'est pareil ça mais au pluriel oui. Mais je l'ai pas vu c'est sûr mais ça me parle. Et il y a un cavalier sans tête qui s'amuse à tuer des gens, enfin normal. Mm-hmm. Tout à fait normal. Et c'est lui, ce docteur, qui va devoir chercher. Sa tête. Non. Oui, notamment. Ça, c'est qu'un détail. Il okay. va chercher à empêcher ça. Les Anglais, ils sont très forts pour. Comment dire, ils ont été très avant-gardistes sur un peu les romans horreur, thriller, c'est comme pas ça. Faux. Enfin, quand on voit aussi Frankenstein, ou Sherlock Holmes, House of the Fall of Tu te rappelles ce qu'on voyait en anglais. C'est ça. Ah, vous l'avez vu en anglais ? Oui, c'est ça, en fait. On avait moi, j'ai vu Sleepy Hollow. Ça a traumatisé la moitié de la classe. Mais... Et on avait ça, en fait. On étudiait des bouts de texte et tout. Mais enfin, je veux dire, ils étaient vraiment très en avance là-dessus. Et enfin, je pense qu'il y a pas mal de films d'horreur, en fait, qui s'inspirent aussi de ces histoires-là, quoi. C'est pas faux. C'était déjà tellement riche pour l'époque. Enfin, Frankenstein, c'est vraiment la création d'un monstre. Enfin, je veux dire, on parle des choses scientifiques qui étaient inconcevables à l'époque, quoi. Et Laura ? Oui. On peut remercier Madame Gâteau pour ça. Oui, gâteau. Qu'on appelait affectueusement Mrs. Cake. Oui, parce que ça fait pas très anglais, gâteau, clairement. Mrs. Cake. Merci, Mrs. Cake nous écoute, un petit coucou du lycée du Sud. Imagine, genre, pile à ce moment-là, elle écoute, genre. Bah, et pourquoi pas. En 3, j'ai mis. Alors, j'ai pas mis un film, là, c'est plusieurs films carrément. Ouais. Soyons fous. C'est une série. Jusqu'à là, ça passe. Une saga. Une saga plutôt, une saga, ouais, exactement. Paranormal Activity. Ah ouais. Ah oui. J'adore la tête de Yann. Je veux pas me faire de laser aux yeux pour ma myopie. Pourquoi? Parce que tu sais, on peut se faire opérer des. Oui, bah oui. N'importe quoi, je confonds avec Destination Finale. Totalement, ouais. Ah ouais, parce que Destination Finale, j'ai vu. Ouais, ouais, je me suis dit, mais quel est le rapport? Mais Paranormal Activity, on est d'accord, c'est celui qui est filmé avec la caméra à la main. Exactement. C'est ça. J'ai vu un demi-film. C'est un film qui me donne la gerbe. Oui, alors moi aussi, parce qu'en plus, je l'ai vu dans un train et au bout de la moitié du film. Non, mais j'étais obligé de le couper parce que j'étais mal, quoi, dans le train. Ça bougeait dans le train, ça bougeait dans la caméra. Ah ouais, ça m'allait pas du tout. On aurait dit que c'était Jolan qui était à la caméra. Non, qu'est-ce qui est... Du coup, tu l'as vu, Naïssi, celui-là? Enfin, ouais, un des. Tous vus. Tu les as tous vus? Tu aimes bien cette saga? Bah, je trouve que c'est. Ça sert pas à grand chose, en fait, je trouve. Parce qu'en fait. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est beaucoup de suspense, mais en fait, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mmh. C'est pas faux. Surtout dans. Enfin, plus ils avancent, plus c'est ça, en fait. Ouais, le dernier, c'est. Bah ouais. On n'est pas forcément surpris, moi. Tu vois juste un truc bouger. Ouais, voilà. Le dernier, t'as une porte qui claque. En fait, voilà. C'était le vent, merci. Et c'est long, en fait, c'est très long. Et. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. T'as à la fin, t'as un peu d'action. C'est plus, En fait, ça fait monter un peu l'adrénaline, mais c'est pas un film d'horreur. Et t'as eu la gerbe ou pas? Ah, pas du tout. Non, bon, ok. Moi, je l'ai eu. Oui. Mais ça avait rien à voir, c'est parce que j'avais mangé quelque chose de pas bon. D'accord, ok. Du coup, j'ai dû aller au chiottes. Intoxication alimentaire. Bah ouais, non, mais totalement. J'étais dégoûté, en plus, j'étais avec une copine. Okay. Ouais, on va pas raconter non plus. Oui. Les abysses de tout ça, mais oui, ok. En deuxième, c'est un film que je n'ai pas vu, mais que je me tâte à voir. Je me dis, putain, faut vraiment que je le regarde parce que c'est un mème légendaire pour moi. C'est Shining. Shining. Je l'ai vu et il est super angoissant ce film. Ouais. Putain. Ouais. Ouais, c'est pas dans l'horreur genre sang et de la. Non non, il est vraiment très angoissant. Suspense par contre. Et ouais. Le jeu d'acteur est incroyable aussi. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, mais c'est le vrai horreur un peu glauque américain. Enfin, c'est vraiment le horreur typique. Moi, je trouve. C'est celui avec le sort dans l'ascenseur, c'est ça? Ouais. Le gars qui sort sa tête, c'est malaisant avec les deux petites filles avec les couettes dans la nuit. Dans ah coin, ouais, enfin... ah, faut trop que je le regarde. Tu vois, moi qui suis quelqu'un de très anxieux, m'avait déconseillé de le regarder. Bah, je comprends pourquoi, avec le temps maintenant. Attends, t'as déconseillé de le regarder, toi, tu t'as foncé quoi. Bah oui, on dit de pas faire ça à Jolan, il le fait à fond. Et l'effet papillon, ça compte comme film d'horreur ou pas? Quand j'avais 18 ans, j'aurais pas regardé, tu vois. Si. Mais j'ai déjà vu un film d'horreur avec des papillons. Parce non, que... mais parce que l'effet papillon, en vrai, moi, j'étais mal à l'aise après ce film. Hein. Ouais. Il dit ça parce que j'ai peur des papillons. Non, non, c'est vraiment le. J'ai souvenir d'avoir regardé l'effet papillon. Ah, et j'étais mal à l'aise. D'accord. Oui. Bah, moi, il y a bien un film où ça m'a mis mal à l'aise parce que, ouais, celui-là, faut vraiment s'accrocher. Hein. C'est un mélange d'horreur, de porno aussi hein, clairement, de thriller, de toutes les pires catégories de films que vous pouvez. C'est lui le top du top pour moi. C'est quoi? The Serbian Film. Tu pourras pas me dire que tu l'as vu, Nathan. Bah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. The Serbian Film. Ouais. Un film à ne pas regarder. Du coup, Jolan va aller regarder. Il va faire des cauchemars. En fait, il est tellement malaisant qu'il est interdit en France. Ah ouais, oui quand même, on est sur un level. Ah ouais, bah j'irai pas le regarder alors. Ouais. Et ouais, c'est quoi l'idée? Un ancien acteur porno qui essaie de mener sa vie tranquille et qui est pas, comment dire, on le laisse pas tranquille. Ok. Voilà, on l'oblige à faire des scènes et tout ça alors que bah il a pas envie et tout ça, donc ça vire au cauchemar. Mm-hmm. Ouais. Il y a des trucs chelous quoi. Ouais. Il y a des trucs très chelous. Sa famille est prise en otage, enfin tout ça. Bien sûr. Ouais. Ouais. Il est. Ouais, il pèse lourd. On le valide celui-là, Nancy, ou pas? Shining? Non. Non, le The Serbian. Mais Shining, est-ce que tu le valides? Ah ouais, Shining, déjà, on valide Shining. Shining, ouais, je le valide parce que c'est un classique et même s'il fait pas super peur parce que c'est un peu vieux et tout. Faut le regarder. Pour moi, l'horreur typique américain, un truc vraiment qui te met mal à l'aise, quoi. Donc, ouais. D'accord. Bah surtout que, enfin, moi je l'ai pas vu, mais je sais qu'il est disponible sur Netflix en plus. Je me dis, mais ouais. C'est quand que je le regarde, mais j'ai pas l'occasion. Mais oui, mais regarde-le, hein, franchement. Ouais, mais je vais pas le regarder tout seul parce que c'est pas très intéressant. C'est space quoi, l'hôtel est vraiment space. Enfin, moi j'ai un problème avec les hôtels dans les séries. Ah, moi aussi. J'ai une image. C'est les fameux motels. J'ai une image qui revient très souvent sur mon fil Facebook parce que j'adore les mêmes. Enfin, j'adore les blagues. Où qu'on voit la tête du gars sortir d'un, enfin pas d'un mur ou d'une porte. Oui, de Shining. Ouais. Et t'as toujours des images drôles, enfin des phrases drôles en dessous. Mm. C'est génial cette image. Rien que pour ça, j'ai envie de regarder le film. Ouais, faut que tu le regardes. Tu seras pas déçu de cette scène là, hein, franchement. En train de le regarder. Il est meilleur. Ma foi. Eh ben je vais le regarder quand j'aurai quelqu'un avec qui le regarder. Ça sera pas moi. Oui. Je le dis direct. Mais si il a besoin de quelqu'un, tu veux te dévouer? Ça dépend. La mettez au pied du mur. Non, c'est une manière polie de dire ouais, non, pas du tout. Tu as le droit de dire non, clairement. Alors, pourquoi ça, le jour où j'ai une extinction de voix, oui. Oui. Non, on peut faire un duo, un featuring de chansons si tu veux ça. Non, plus. Non, non alors plus, là, il faut pas dire non. Non, non, on va rester sur les films d'horreur et la culture. Ah, tu vois, on va aller sur de la musique par contre, avec toi Laura, puisque tu vas nous parler de Depeche Mode, hein, vu que tu adores ça, Nessie. Moi aussi j'adore la mode. Non mais non, Nessie aime beaucoup Depeche Mode. Anaïs, évidemment. Ce n'est pas une fan de Queen. Mais non, c'est Depeche Mode. Moi aussi j'adore la mode. Et avançons un peu de country sur Indestar, de la country avec Used. C'est Jess Moskalik sur Indestar. Là où tu commences. Non, Moskalik vraiment. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Mon petit doigt, qui n'est pas bionique, me dit que sur Indestar, l'émission va durer un peu plus que 23h. Nessie, qui est notre invité ce soir, artiste de musique, hein, voilà, on précise. Artiste de peinture. Artiste de peinture aussi, oui. Artiste de dessin. Aussi. Et bientôt, oui, comme le pain. C'est bien. Évidemment. Et ce soir, nous voyons tout l'univers de Nessie, notamment les artistes qu'elle aime. Les artistes musicaux qu'elle aime, et on ne peut pas passer à côté de Depeche Mode. C'est pour ça que Laura, tu t'es penchée sur le sujet. T'aimes bien Depeche Mode d'ailleurs, Laura, toi aussi ou pas? Ouais, j'aime bien. Enfin, je veux dire, je suis pas. C'est pas Queen quoi, mais bon. On est Anaïs, mais Nessie. Mais du coup, j'aime beaucoup écouter Depeche Mode. Enfin, il y a des chansons, j'ai fait mon top 3 d'ailleurs dans mon intervention des chansons que je préfère. Et ouais. Enfin, c'est vrai que c'est des sonorités au final très ancrées années 80-90, on est d'accord. Mais comment dire, qui sonnent quand même actuelles. Enfin, on voit surtout en ce moment, il y a vraiment une reconnaissance c'est revenu des années à la 80 mode. Dans les nouvelles musiques et tout. Et complètement, on est en pleine. On est en plein reboot des années 80 en ce moment. Enfin, The Weeknd qui cartonne absolument. Arrête de le mélanger à ça. Mais il est pas vieux, il fait pas partie des années 80. Mais non, mais pas, rien à voir, mais je veux dire, le style années 80 est en train de revenir à la mode de fou dans les compositions. L'autre fois, j'ai écouté un concert de Miley Cyrus. Mais j'aime beaucoup Miley Cyrus, ce qu'elle fait. Et en concert, c'est vachement rock, etc. Mais c'est genre rock années 80. T'as l'impression d'écouter, je sais pas, Bryan Adams. Enfin, vraiment, tu retrouves cette sonorité-là. Et j'aime bien. Ça fait mal à mon petit cœur. Mais non, ça fait pas mal. C'est cool, enfin moi j'aime bien, c'était une bonne période de la musique. Ça n'a rien à voir avec les trucs de vieux, c'est récent. Mais c'est propre. Alors, t'es dit, il y a un problème avec les choses qui sont avant sa naissance, mais ça c'est autre chose. Tu vas régler ça chez un psy. Ça n'existe pas. Alors, il a du mal en effet à comprendre qu'il y avait un monde avant lui. Avant lui, ouais, c'est ça. Pour lui, la création du monde. Ah, ça c'était moins 15 avant Teddy. Il pensait que. C'est l'an 0 à partir de Teddy. Non, mais jusqu'à ses 15 ans, il pensait qu'il s'appelait Adam en fait. voilà. Bon, alors, Depeche Mode donc. Voilà, donc laissez-moi vous présenter Depeche Mode pour ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas vraiment entendu parler de ce groupe. C'est un groupe britannique, donc déjà big up l'Angleterre. Yes, comme par hasard. Cœur, etc. Et en fait, Depeche Mode était très avant-gardiste parce que c'était le premier groupe à proposer un peu de la new wave et du rock alternatif. Et en fait, c'est un groupe qui s'est formé en 1979, donc vraiment à l'aube des années 80. Avant The Cure. Il apparaît au sein du courant de la synth pop, donc de la pop avec du synthé, et devient rapidement influent et populaire sur la scène internationale. Donc ils sont encore aujourd'hui ensemble. Ce groupe ne s'est pas encore séparé ou il n'y a pas encore eu de mort. Ah, j'adore quand tu dis ça. Bah non, mais c'est vrai que à un moment donné, faut le préciser. Parce que... de mort, Laura, c'est très intéressant. Et en fait, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que la musique électronique serait pas du tout la même chose si Depeche Mode n'avait pas sorti ses tubes, en fait. Enfin, parce que fallait oser à cette époque-là, c'est à la fin des années 70, sortir quelque chose d'un peu plus synthé, ouais. Alors que à cette époque-là, en Angleterre, etc., c'était plutôt la vague punk, en fait, qui était majoritaire. Enfin, notamment avec les Sex Pistols, The Who, The Kinks, où c'était vraiment du gros rock underground, en fait. Là, vraiment, ils proposaient autre chose. Et en fait, ils se sont rencontrés en 1977 en banlieue londonienne, etc. Et au début, ils avaient créé le groupe du nom de French Look. C'était pas le même chanteur que celui qui est là actuellement, Dave Gahan. C'était avec Andrew Fletcher, voilà, qui a rejoint le groupe ensuite et qui l'a renommé ensuite Composition of Sound, donc la composition du son. Bon, je préférais French Look, hein, look français. Mais ensuite, en 1980, c'est le charismatique chanteur Dave Gahan qui remplace Martin Kore au chant et le groupe prend alors le nom de Depeche Mode. Mmh. Et en fait, Depeche Mode, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence? Est-ce que Anaïs, moi, je sais, ouais. À la mode qui se dépêche. Non. Depeche Mode. Je peux le dire ou pas? Oui, bien sûr. Non, en fait, je crois que c'est. Ils ont fait un concert un jour et ils ont été repérés par quelqu'un. J'avais vu l'interview de Dave Gahan, je crois. Et la personne leur a demandé c'était quoi le nom de leur groupe. Et je crois qu'ils avaient. C'est le nom d'un magazine ou d'un truc de. Non, c'est pas ça? Si, exactement. Ouais. En fait, c'est un magazine français de mode. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un magazine qui paraissait dans les années 70 jusqu'en 2001. Et donc, en fait, c'est assez marrant parce que le nom. On va prendre le premier French truc. Look. Et là, c'est Depeche Mode en référence à un magazine de mode français, quoi. Donc, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont avec les Français. Mais ils auraient vu des chiottes, ils se seraient appelés chiottes. Il a escargot, je sais pas. Je crois qu'il a pris ça un peu à l'arrache, hein. Parce que la personne, je crois que la personne qui les a repérés leur a dit, c'est quoi votre nom? Et sur le moment, ils avaient plus de nom, ils savaient plus trop comment. Et en fait, je crois que c'est eux qui ont dit, on s'appelle Depeche Mode. Ils avaient vu des magazines ou des trucs comme ça. Faudrait que je revoie l'interview, mais je crois. Excellent. Non, mais t'imagines, ils auraient pensé à un autre magazine, du coup, on s'appelle Closer. Ah bah, ouais. Ils auraient pensé à n'importe quoi de français, genre baguette, gala. Paris baguette. Paris match. Paris match. Mais c'est ça. Ah, ça aurait pu donner totalement autre chose. Ils auraient pu s'appeler Femme Actuelle aussi. Hein. Ah, aussi, ouais. Nous nous appelons Femme Actuelle. Belle santé et tout. Oh là là. Et donc, ce nom bien choisi d'un magazine français, ils sortent en 1981 leur premier album, Speak and Spell, et grâce au tube I Just Can't Get Enough, Depeche Mode est adulé dans le monde entier. Très électronique, hein, tu vois. Ouais, très synthétique. Et ça, c'est marrant, ça, en vrai. Bah oui, c'est marrant. J'aime bien. Mais faisant référence à l'oncle du chanteur. Ah, c'est moins bien. Bon, pourquoi c'est venu en même, hein? Bah, il chante. Bah oui. I just can't get enough. Donc c'est grâce à cette chanson qu'ils ont percé. Directement 8e dans les charts britanniques alors que c'était un groupe inconnu du grand public. Et franchement, on n'en a jamais assez de cette chanson. Enfin, je veux dire, elle a maintenant... Oh putain, elle a 40 ans. Waouh. Ah ouais, 40 ans. Elle a 40 ans maintenant. Juste et pour en fait, l'intro, ouais. Même si on l'écoute aujourd'hui, on pourrait l'écouter. Le rythme, il est vachement entêtant, en fait. Ouais. Enfin, ça rentre immédiatement en tête. Totalement. Et on sent vraiment toute l'insouciance des années 80. C'est pas ma préférée, par contre. Ah, bah moi, c'est mon top 3, ok. Tu respectes mon top 3. Ouais, je respecte. Tu me respectes un peu, s'il te plaît. Attends, c'est l'émission de Nancy, t'as su me dire tout à l'heure, alors tu respectes les Oh, la bataille. Mais non. Mais par contre, les autres choix, j'aime bien. Nancy, laisse-nous régler nos comptes. Non, mais enfin, ce que j'aime bien dans cette musique, c'est qu'on sent vraiment l'insouciance des années 80. Ouais. Et même dans le clip, on les voit tous affublés de vestes en cuir, lunettes Ray-Ban, les cheveux au vent. Enfin, ça fait limite, ça me fait penser au style rockabilly des années 50, en fait, un peu à la Elvis Presley où c'était zen, détente. Et ce qui est assez drôle, c'est que La musique n'a pas perdu de son charme, mais aujourd'hui, elle est aussi reprise dans les stades de foot. Elle a trouvé une popularité inattendue dans les stades de football britannique, notamment. Ah ouais. Les premiers supporters qui ont adopté ce titre, c'était ceux du Celtic Glasgow, donc d'Écosse, et ensuite par le Burnley FC, et la même année, les Bolton Wanderers. Et du coup, ça a terminé en novembre 2011 au Roison Park à Rennes. Voilà. Ah, tu vois, ça s'exporte en France. Non, mais c'est ça, qui ont repris la musique dans les stades et même des fois changé des paroles pour que ce soit plutôt à l'éloge de, oui, bien sûr, de footballeurs, en fait, de joueurs. Mais vraiment, c'est quelque chose qui reste, et même dans les stades. Donc ça, c'est une de mes chansons préférées. Laura, es-tu là? Je crois qu'on vient de perdre Laura. C'est magnifique, ça arrive tout le temps sur une... Mon Jésus personnel. Non, on a récupéré Laura, oui. Oui, pardon, on t'a perdu Laura quelques secondes. Ah mince. Pas grave. Non, je l'ai pas perdu. Oui, c'est normal. Alors, pour expliquer la situation pour vous qui venez de nous rejoindre, que vous comprenez pas pourquoi. Parce que moi non plus, je. En fait, c'est simple. Quand on dit qu'on perd quelqu'un, généralement, c'est quelqu'un qui est sur Discord. Oui. C'est quelqu'un qui est loin. Oui. Nous, en studio, on l'entend plus. Par contre, ceux qui sont sur Discord, ils s'entendent entre eux. Ah, donc, ça, oui, c'est marrant. Okay. D'accord. Ça, c'est fun. C'est pour ça. Parce que eux, ils pensent, non, tout va bien. Oui, mais nous, on est là. C'est nous qui avons perdu la liaison, en fait. On est d'accord. Le problème, c'est que nous, on a perdu, mais tout le monde, en fait, vous a perdu. D'accord. Vous êtes que vous quatre. Bah, quand même, ils sont en surnom. Donc, juste si tu peux répéter ta dernière phrase, Laura. Bien sûr, bah du coup je disais que l'autre morceau que j'adore, c'est Personal Jesus, qui est sorti en 1989, Jésus personnel pour les intimes. Ouais, ouais. Jésus personnel, c'est moins bien quand même. Bonnet, en parlant, là aussi elle est... En fait c'est juste pour nos intros sans paroles en fait qui sont bien. Arrête. Oh, mais mes paroles, arrête. Arrête. Oh non, ouais, c'est génial. Et celle-là, tu vois, je trouve que... Il a une voix de ouf. Elle sonne plus moderne, en fait, que l'autre. Ouais. Parce qu'elle est plus complète en termes de son, etc. Tu vois, l'autre, elle sonne très... Alors, il y a la base musicale et le rythme qui est excellent et qui reste dans la tête. Et celle-là, je trouve qu'en termes de production, il y a quelque chose de plus complet à l'intérieur, quoi. Il y a quelques années d'écart, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années d'écart, ouais. Il y en a une qui et fait et rock. Et puis Personal Jesus, en fait, c'est vraiment là où on entend les guitares rock, en fait. Ouais, et totalement. Ça, quand c'est comment dire, des instruments un peu plus naturels, enfin, j'aime pas ce terme, le synthé, on sait directement, c'est années 80, ça sonne directement comme les années 80. Mmh. Mais la guitare, c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui et c'est pour ça que ça sonne intemporel. Aussi bien, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du temps, il y a du temps. Et. Du coup, en fait, dans cette chanson Personal Jesus, ok, on parle de Jésus, mais que fait Jésus dans cette histoire? C'est vrai. Martin Gore, du coup, l'auteur de cette chanson, a expliqué que ce titre vient d'une expression de Priscilla Presley, la femme d'Elvis. Ouais. Je parlais d'Elvis tout à l'heure, il s'en inspire beaucoup. Priscilla, la femme d'Elvis, a écrit dans son livre Elvis et moi. Elle déclarait que vivre avec Elvis, c'était comme vivre avec un Jésus à la maison, avec un Jésus perso. Et en fait, il s'est réapproprié cette phrase-là. Mais pour mettre en scène un Jésus de pacotille, en fait, le genre qui marchandise la religion, qui garantit le salut des âmes pour le prix d'un coup de fil surtaxé. Enfin, quand on regarde les paroles de la musique, à un moment donné, il détourne un slogan publicitaire d'une compagnie téléphonique qui disait bah, il suffit d'appeler, il suffit de tendre la main pour accéder à la foi, alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment une satire, en fait, de Jésus. Mais 6,35€ plus prix dans SMS. C'est ça, 0,62€, allô, ton âme. Mais vraiment, et puis j'adore le clip, hein, parce que c'est vraiment en mode western, ils ont les chapeaux de cow-boy et tout. Enfin, je crois que ça se passe au Mexique, enfin, vraiment dans le désert et tout. Et il y a vraiment un côté intemporel. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que cette musique a été reprise pas mal de fois. Et une de mes variantes préférées, c'est celle de Marilyn Manson. Enfin, je veux dire, quand j'écoutais ça au collège, j'avais l'impression, à l'inverse, d'écouter le démon parler de Jésus, quoi. Genre, T'étais une rockeuse, t'étais une rebelle. Laura au collège, ça sentait. Ah bah totalement. On sent la rebelle en toi. J'ai eu il y a pas si longtemps que ça une période aussi métalleuse. Hein, Bah ouais. C'est émo gothique. Ils ont beaucoup été repris, hein, Depeche Mode quand même. Ah oui, c'est clair. C'est ils ont été repris par Rammstein aussi, un truc comme ça, je crois. Rammstein. Ouais. Oh. Ah bah ouais, bah non, tu es du d'ailleurs, ils ont saccagé la musique préférée de Depeche Mode. Ah va sa gueule, hein. Ramsey, mais bon. Ils ont bien massacré Kendrick Lamar Jepsen. Mais non, mais ça, c'est un bootleg. Ouais, mais c'est marrant. C'est marrant. Un bootleg sur Indestar, un mélange de deux chansons où, effectivement, dans la même chanson, il y a du Douaz de Rammstein et du Kendrick Lamar Jepsen avec Call Me Maybe. Et c'est particulier, mais on aime bien. Donc, ça, c'était le numéro 2. Est-ce que tu valides, Nancy, ce titre-là? Ah, j'ai que pas tu valides Nancy ce titre. Ouais, je dis est-ce que oui, tu. Ouais. Bah, c'est un de mes préférés. C'est un de ceux que j'écoutais le plus quand j'étais petite. Donc, il d'accord. fait partie de ma liste des préférés. La top liste. Et alors, et numéro 1. Le dernier que j'ai choisi, bah, du coup, t'as dit que c'était dans ta liste aussi, c'est Enjoy the Silence de Depeche Mode. Encore une fois, bah oui, on parle de Depeche Mode, qu'est-ce que tu racontes, Laura? De Depeche Mode. Ah oui, t'es pas habitué, ma pauvre. Ouais, ouais, non, mais qui parle. qui... Ah bah je perds mes mots maintenant. Qui est sorti en 1990, voilà. Ouais. Et en fait, il y a tellement des sonorités qui passent très bien aujourd'hui, ouais. Comme le synthé qu'on réentend, ouais. Un peu style Dua Lipa d'aujourd'hui en fait. Enfin, je vous laisse écouter pour vous faire votre propre opinion. Si, si, si, si. Mais un peu plus fort, t'es dit quoi? Je suis à fond. T'es à fond? Pardon. Ah non, c'est une voix, c'est Dua Lipa. Ça, tu me le. Non. Mais non, mais c'est pas la même voix. Non. On parle la sonorité. Je défendrai Dua Lipa. C'est Dua Lipa, elle n'a pas, elle a pas le talent de Depeche Mode. Non, non, non, non, non. Il valent rien comparé à Dua Lipa. Oh là là là. C'est mec, une muse. Le mec est amoureux, quoi. Mais bien sûr, c'est une de mes muses, Dua Lipa. Bon, très bien. Donc ça, c'est le numéro 1. Et pourquoi, Laura? Bah, en fait, c'est y a beaucoup de... Pour dire, c'est les paroles aussi, en fait, on peut vraiment y accorder l'interprétation qu'on veut. Il y a un côté très mystérieux dans les paroles. Certains, ils voient un peu une recherche du silence, de la créature. Enjoy the silence, c'est apprécier le silence. Ouais, c'est ça. D'autres qui le comparent, en fait, à une simple relation amoureuse. Mais en fait, c'est le genre de parole qui peut transporter n'importe qui parce qu'il n'y a pas de définition précise. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une autre interprétation qui a été donnée après coup. C'est que certains pensaient que c'était plutôt une affiliation avec la drogue. Parce que Dave Gahan, en fait, durant les années 90, après, il s'est transformé en véritable junkie. Et ouais. C'était comme si c'était un peu le prémisse de ça, en fait. De se dire, bah, en fait, c'est comme s'il avait prédit le fait qu'il allait se droguer énormément. Le mec a fait l'inverse, en fait, des autres. Je vais l'annoncer en musique et je vais le faire après. Non, mais tu parlais de punk tout à l'heure. Le mec a commencé par faire de la musique électro et après, il est devenu punk. Alors que les autres ont fait l'inverse. D'ailleurs, il est mort une minute, je crois, à cause de la drogue. Deux minutes, je sais pas. Ah, il a fait une sorte de coma, ouais. Non c'est... Bah, ah, il oui. est vraiment mort, genre son cœur. Ah, ouais, c'est arrêté. Il a fait un arrêt cardiaque. Waouh, wow, ouais, il s'en est sorti indemne après. Tranquille. Ouais, ouais, il a été. Il en parle. La vache. Il en parle dans une musique. Deux minutes, normalement, le cerveau n'a pas le temps d'être endommagé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud quand même. C'est quand même dingue comme expérience. Enfin, de te ouais. dire, pendant une ou deux minutes. Je suis mort. T'es parti. Ouais, enfin, Jésus l'a fait aussi, pareil. J'ai été mort, moi aussi j'ai ressuscité. Après, Jésus, personnellement. Rien d'exceptionnel, il l'a fait plus longtemps. C'est vrai. Les chansons sont bien passées dans l'ordre, y a pas de problème. Non mais voilà, mais elle, oui, exactement, bravo la régie. Enjoy the Silence a été élu single britannique de l'année aux Brit Awards de 1991, ça c'est quelque chose à noter. Et ce que j'adore avec Depeche Mode en général, c'est qu'en fait, finalement, je deviens nostalgique d'une époque, dans laquelle j'étais même pas née, enfin les bah années ouais. 80. C'est tellement derrière moi, mais en fait, c'est vraiment une vibe que j'aime beaucoup en fait dans cette musicalité. Enfin, je pense que tu dois penser pareil aussi, Nancy. Enfin, et puis, je sais pas. Ce que t'en non, penses par oui, rapport bah, à ce parce que Théo et Daniel, ils pensent pas pareil. Ils étaient dedans. Hein. Ah, ça va. Oui, moi, je vous raconterai. On fera une émission spéciale années 80. Je vous raconterai. Hein, bah voilà. On fera. Ouais, c'est une très bonne idée. Ça. Et des délires, je peux vous en raconter. Y a pas de problème aussi. Et si, du coup, c'est quoi tes. Ce serait quoi ton top 3 si tu devais en avoir un? Déjà en première, je mettrais, bah, c'est vraiment ma préférée, ce serait Street. Street. Mais je pense pas que Street, ouais. Elle est pas très connue. Elle est ouais, un thème un peu moins connu que les autres, ouais. Ah, je l'adore. Ah ouais, celle-là, c'est ma préférée. Genre, elle me fait ressentir un truc. Je la trouve magnifique cette musique, vraiment. Et ce qu'elle veut dire, enfin sa signification, les paroles, elles sont trop belles. Enfin, j'aime vraiment. Et après en deuxième, je mettrais. Bah, c'est dur quand même. Allez, quand on aime un artiste, il faut faire un top, c'est dur. Je me suis fait mettrais... un. J'ai eu du mal à faire un top sans Enjoy un Afrique. Ouais. Ouais. D'accord. Et après, en troisième, j'hésite entre Personal Jesus ou I Feel You. J'aime beaucoup. Bah, prends Personal Jesus, comme ça j'en ai. Prends, vas-y, prends, ouais. Prends pour faire comme Laura. Ouais, Personal Jesus. Pour faire plaisir à Laura, mais oui. Ça, folle pas, y a pas de mon Jésus personnel. Donc ça, faut prendre ça, mais en version française. Ce serait ah, ça, ça pourrait ouais. être marrant. Tu, alors, soit Jésus, en traduction directe, soit en adapté. Jésus. Ouais. Traduction directe, j'aime bien ça, les. Ce sera pas moi. Des fois, c'est marrant. Tu te laisses mais ici, si avec Jésus personnel. Sur Indestar. En duo avec Laura. Ouais. Alors, à l'adolescence, Naïssi, en plus d'écouter, d'écouter des Pêche Mode, tu joues un petit peu aux jeux vidéo et notamment à Tomb Raider. Lara Croft, hein, l'héroïne des années 90. Jonas va nous en parler dans un instant de Tomb Raider, qui est quand même un jeu qui a marqué sa génération. Hein, parce que Lara Croft, tout le monde s'en souvient. Oh, parce que c'était une fille et que c'était à peu près la seule. Bah, c'était la seule. La première. La première. Bien cubique, mais la première. Bah, bien cubique, évidemment, parce que graphisme PlayStation 1. Mais, Minecraft. Mais ouais, un peu Minecraft, ouais, c'est ça. Mais avant, on écoute Elkin, Call the Doctor sur Indestar. Vous allez voir que dans le son de Elkin, qui est vachement funk, il on retrouve aussi des influences des années 80 parce que c'est la mode et parce qu'on est en avance sur la mode parce que c'est Dépêche Mode, c'est Indestar. Ah. Ouais, merci. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Et nulle part ailleurs, évidemment, indestar.fr. Et puis en réécoute, hein, évidemment, si vous avez loupé un petit peu de cette émission, en podcast sur toutes les plateformes internet, que ce soit du Deezer, du Spotify, du Google Podcast. Oh non, faut pas que je dise ce mot, mince, ça a déclenché mon assistant personnel. Enfin bon, bref, toutes les plateformes que vous avez sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur, vous pourrez réécouter l'émission avec Naïssi, qui est notre invité ce soir, artiste qui donc a sorti un premier single, un deuxième single ce soir, et qui aime du Dépêche Mode, et qui aimait quand, enfin je sais pas, peut-être que tu aimes encore, mais quand tu étais adolescente, Naïssi, tu jouais à Tomb Raider. Oui, j'y ai beaucoup joué, ouais. Ouais, avec notre héroïne virtuelle Lara Croft, et donc ce soir, Jolan, tu voulais en parler un petit peu d'où vient ce jeu, ce qui l'a amené un petit peu la pop culture à l'univers du jeu vidéo. Ouais. Bah déjà le jeu, le tout premier jeu, le Tomb Raider l'original, il s'appelle. Hein. Je oui. pense que tout le monde y a joué. Enfin, pour ma non. part, moi, je l'ai pas connu parce que. Bah bravo, tout le monde y a joué, mais moi, j'y ai pas joué. Mais pas moi. Tu fais pire que moi. Il est un peu vieux. Il est quand même sorti en 1996. Donc ouais. Bon. Ouais. Moi, j'y ai pas joué, mais par contre, moi, j'y ai joué aux jeux les plus récents. Celui qui est sorti en 2015. Ah oui, donc c'est une autre boîte de production en fait qui a repris la licence. C'est racheté, ouais. En fait, faut savoir que le premier l'original, il a été développé par Crystal Dynamics. Ouais. Alors que sinon, ensuite, c'est Eidos. C'est Core Design. Ah, c'est Core Design. Qui a repris le relais sur les pas jeux mauvais quand même. Remasterisés. Non, pas mauvais, mais on est sur un reboot en fait où elle est bien plus jeune que les premiers. Ouais, et moins pixelisé aussi. Je parlais et surtout du moins pixelisé, moins cubique. Bah oui, parce que en fait, voilà. au départ, elle est sortie. Alors, je crois que c'est sur ordinateur et sur PlayStation 1. Oui, elle est la première fois, elle est sortie sur ordinateur et PlayStation. Ensuite, quand l'éditeur a repris la saga, ils les ont sortis sur d'autres plateformes, dont Xbox 360, Xbox One et. Et PS4. J'ai une anecdote sur ces boobs. Ça intéresse quelqu'un ou pas? Attends, je crois savoir ce que c'est. Oui, vas-y, je pense qu'il faut faire dans l'ordre. D'abord, il faut parler de Lara Croft en soi. Tomb Raider, c'est le premier jeu à avoir un personnage. Une héroïne féminine. Voilà, ouais. Le personnage principal, il est féminin. J'allais y venir, ça. Évidemment. Mais il faut faire dans l'ordre avant de parler de ces boobs. Bah oui, ok. doucement sur les boobs. Commençons par les pieds, alors, d'accord. Déjà, on parlait des pêchements tout à l'heure avec l'Angleterre et tout, donc on s'éloigne pas trop parce que Lara Croft est britannique, donc ça rejoint un peu. Ouais, parce que c'est une aventurière qui a voyagé dans tous les coins du monde. Dans le premier, je crois qu'elle va au Pérou, si je me trompe pas de scénario, elle va au Pérou. Et puis dans les derniers, c'est. Attendez, c'est. Quoi qu'il arrive, elle va toujours dans les jungles avec des temps. Ah ouais, avec des méchants quoi. Très très chelou, un peu glauque, moi j'irais même pas d'ailleurs, mais ah bah oui, c'est l'aventure en même temps. Ah oui. Il y a des tigres, moi je me rappelle j'ai dû jouer aux deux moi un peu parce que je crois que dans t'inquiète pas, c'est pas Lara Croft, hein, t'y rapproches. Et non. Dans le 2, je sais que au début t'as une sorte de didacticiel dans lequel tu es chez elle en fait, simplement dans sa propriété, et t'es un tigre. De quoi? Et t'es un tigre. Non, non, non, ça c'est après dans l'émission. Mais en fait, t'es chez elle, tu t'entraînes sur le parcours, etc. Et la chose la plus drôle à faire, c'est parce qu'elle a une très grande maison à Lara Croft et elle a une grande cuisine avec un serviteur qui est là. Ah oui, un réfrigérateur. Oui, hein, on est d'accord. Il y a une chambre froide. Donc ce que tu t'amuses à faire, c'est que tu t'amuses à emmener ton serviteur dans la chambre froide et hop, tu la fermes et le mec se retrouve encore dedans. Je sais pas si c'était très drôle à l'époque. Ça, je crois qu'on l'a tous fait en fait. C'est ça, je crois. Mais tu sais que ça s'appelle pas un serviteur, non, c'est genre un majordome. Oui. Enfin, ouais. Pardon, un majordome. Un serviteur, tu sais, c'est pour un esclave, le Ok, d'accord. Bon. Esclave. Un majordome. Oui, il te suit partout, c'est vrai. Ouais. Il y avait beaucoup de trucs dans les jeux vidéo à l'époque qui tuaient, notamment dans. Du coup, comme disait Teddy à l'instant, c'est la première héroïne qui a marqué plein de générations, dont la mienne. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'elle elle a eu énormément de succès en 2017. Elle surtout a été, sur le public masculin, sur clairement. Hein? Surtout sur le public masculin à l'époque. Oui, bon après on va dire que bon. Après ça, on a vu les comment dire les avantages parce que vu que c'est le premier perso féminin, c'est cool. Oui. Mais et puis grâce à autre chose. Oui, grâce à ses boobs. Non mais clairement ils ont abusé sur les boobs. Bon, j'y vais sur l'anecdote. Vas-y parce que je le sens bien que tu. Parce que sinon on va pas y arriver. Mais non mais parce que simplement effectivement au niveau du codage, enfin du personnage et des comment on appelle ça, des gens qui font des graphismes quoi. Graphismes. Et en fait il y a un des ingénieurs qui s'est amusé à jouer sur les côtes de Lara Croft et qui lui a fait des seins énormes. Et ils sont allés bouffer, etc. Tu vois, toute l'équipe ensuite. Et quand ils sont revenus, en fait, les autres ont vu ça, se sont dit hey, mais c'est trop bien! Et ça va faire un petit peu le. Voilà. Pas du tout macho, pas du tout. C'est une équipe de mecs, hein. Non, mais clairement. Et non, mais quelque part, en vrai, ils ont bien fait parce que ça a aussi participé, je pense, au succès. Non, mais de l'héroïne féminine attends, qui était disproportionnée. Ça va plus loin. Oui. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a eu des rumeurs après les joueurs ils jouaient à ça, ils étaient contents, ils voyaient des gros boobs, oh c'est génial. Il y a eu des rumeurs, des légendes, des mythes autour du personnage de Lara Croft dans le 1. Comme quoi, si tu tournais sur toi-même et que tu sautais. Ah, il y a un code, un cheat. Son maillot s'enlevait. Oui, non, ça marchait pas. Et ben, alors dans le 1, non, c'est pas vrai, ça marchait pas. D'ailleurs, je le dis là haut et fort, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Tu as testé toute ta jeunesse. Non, mais il y a des gens, ils croient encore. Ils croient, ouais. Ouais, ils croient, clairement. Et dans le 2, les développeurs, ils se sont dit. Parce qu'ils ont entendu cette rumeur, ils se sont dit putain, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Non, ils ont fait mieux que ça. Ils ont trollé tous les joueurs. En fait, quand t'essayais dans le 2, oui. Et ben, en fait, ça te faisait exploser. Trop bien. J'aime bien l'idée. Donc voilà, tu voulais voir ses moves, là tu vois ses entrailles. T'es content? J'aime bien l'idée. C'est pas mal, c'est pas mal trouvé. Mais tu vois. Et là, on en revient au film gore de tout à l'heure. C'était pas si gore que ça parce que c'est des cubes quoi. Oui, c'est. Des cubes, ça donne toujours des petits cubes quoi. En tout cas, c'est une héroïne qui a eu vachement de popularité à l'époque et elle en a toujours. Je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Pardon de te couper, Jolan, mais je pense qu'il y a eu la phase avec les premiers 2 et 3 peut-être. C'est les épisodes où tu jouais à Lara Croft, Nancy, ou c'était plus tard toi? Moi, c'était. J'ai joué au premier. Hein, ouais, mais à sa sortie Quand j'enfermais le majordome dans la chambre froide. Mais j'ai joué aussi. Enfin, je me rappelle, il y avait les tigres et tout. Ouais. Tu m'avais dit en antenne tout à l'heure que tu avais joué à Anniversary et Underworld, après, non, c'est ça? J'ai joué à Legend, Anniversary et Underworld. Parce que c'était une. Les deux, 2006, 2007, 2008. Ouais, mais mon préféré, c'était Legend quand même. Enfin, je sais pas, j'ai trop aimé. Ouais, parce que ça c'était un petit peu tari quand même l'effet Lara Croft, l'effet Tomb Raider en fait sur les après le 3. Ça, c'était un. Bah ouais, enfin c'est-à-dire que un le. Peu éteint, c'est ça, c'est ouais, un la hype était un peu moins là quoi que sur les premiers où c'était vraiment waouh, c'est la première héroïne féminine, etc. Elle n'est jamais trop remontée hein, si tu veux savoir. Bah elle est. Enfin pour moi, il y a eu quand même une deuxième vague. On parle pas de Covid. Hein. Il y a une deuxième vague avec les nouveaux Lara Croft et du coup le nouveau studio. Qui a donné vraiment un renouveau sur. En 2013, avec le nouveau studio, il y a le Tomb Raider qui est sorti. Ils après, sont passés totalement inaperçus avec Uncharted ou Last of Us. Ils en ont sorti trois. Ils ont fait écraser. ils en ont sorti 3 à la suite qui ont remis du, de la vivacité au jeu, qui ont ressortir la lumière du jeu. Aussi, il y a eu les films. Moi, j'en ai vu un d'ailleurs, j'ai été très déçu avec La Belle Angelina Jolie. J'ai été très déçu de ce film. Par contre, j'en ai vu un qui était mieux avec Alicia Vikander, on en parlait tout à l'heure, qui jouait le rôle de Lara Croft. Ouais. Les deux ont joué le rôle de Lara Croft. Ouais. Mais il y en a combien? Il y en a eu 3 des films, non? Il y en a eu, bah moi, il y en a, dans mes souvenirs, il n'y en a que 2 des films 42 en adaptation. Bah non, il y a eu un deuxième avec Angelina Jolie. Ouais. Il y en a eu 2. Non, mais 2 avec Angelina Jolie, plus une avec. Oui, donc ça fait 3. Ça fait 3, Jolan. Ça fait 3, Jolan. Oui, vous avez raison. Ouais. Oui, pardon. Mais du coup, le premier, enfin pour toi, Naïssi, le premier était moyen, le deuxième encore moins bien, et le troisième, est-ce qu'il était bien? J'en ai vu aucun, moi. Je pense que Angelina Jolie physiquement elle était parfaite pour incarner le rôle. Elle avait les boobs du triangulaire. Était pas terrible. Non. Et le jeu d'acteur était pas terrible non plus. Ouais. Alors le 2, je l'ai trouvé encore pire. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus. Et par contre le dernier j'ai bien aimé. Après c'est vrai que l'actrice, elle est plus dans le mood. On la rapproche. Comment dire, on se dit pas, ah, c'est Lara Croft. Enfin, je trouve qu'elle est. Enfin, elle manque d'un petit truc. Après, je dis pas que c'est sain ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais. Je sais pas, physiquement mais c'est vrai que Angelina Jolie par rapport au graphisme qui était de quoi attention, c'est pas qu'elle y ressemble beaucoup, c'est que une brune avec des gros nichons ça passe partout, non, hein, mais surtout dans les graphismes du 1 clairement. Non il y a pas que ça, même la forme du visage etc. quand tu regardes les Tomb Raider qui sortaient à cette époque là et le film avec Angelina Jolie, je trouve qu'il y avait une vraie ressemblance en fait, on se disait tout de suite dans le film c'est Lara Croft. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les derniers films. On se demandait si elle n'avait pas servi de modèle d'ailleurs pour le personnage, hein, quand tu voyais la ressemblance. Ah, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Je dirais pas. Je crois que la modèle pour un des jeux, c'était Karima Adebid, un truc comme ça. D'accord. Mais pas du tout. Non, je disais à se demander, oui. Hein. Mmh. Oui, carrément. Ouais. Elle était vraiment. D'accord, non, mais c'est bien que tu aies fait la précision, je ne le savais pas. Mais il y a eu plusieurs modèles hein, pour les jeux, il y en a eu plusieurs. Ouais. Tu vois, ça c'est la pop culture qui te revient dans la gueule, Daniel. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai les noms des actrices qui ont fait le doublage de. Ah, doublage français ? Ouais. Alors, bah, déjà, il y a Angelina Jolie qui ressort forcément. Elle a doublé, mais ouais, pour l'Amérique. Ouais. Rhona Mitra sur Underworld 3. Ça me dit. Mm-hmm. Et Nell McAndrew. Bon, je crois qu'elle est anglaise, mais c'est pas une française. Mais, c'est qu'un nom comme ça. Pour Carole. Le coup, oui. Et ensuite, il y a eu Jennifer McLeay, une britannique aussi. Et il n'y a pas eu. Normalement, il y a eu Karima Adebid, je crois, pour le Légende ou Anniversary, je sais plus. Oui. Je l'ai pas cité, mais oui, elle était dans le top. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les voix des jeux vidéo, en fait, c'est ça ? Non ? Comment ? C'est les voix et les doubleurs, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, voilà. Des jeux vidéo, pas des films. Ouais. Travail très sous-estimé, d'ailleurs. Qui double les tigres ? Moi, la question que je vais te poser, Nancy, c'est que, Antoine, je t'avais demandé si t'avais joué au dernier, et tu m'avais dit que t'avais pas du tout accroché parce que tu te retrouvais pas dans le personnage, il y avait un truc qui manquait perdu en personnalité. C'est ça dans les derniers qui ont été repris par les studios là de Core Design. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Je sais pas, enfin je retrouve pas le côté Lara Croft. Après je sais que dans les autres elle était très sexualisée quand même, totalement. Ça fait polémique. Limite pas humaine quoi. Totalement abusé. Pas du tout naturel, mais. Ouais, parce qu'ils ont réduit la taille des seins sur les derniers. Il faut exprès pour que c'était un peu Barbie avant quoi. Il est plus naturel. Enfin, après, je trouve que c'est très très bien pour la femme, etc. Mais je veux dire, ça fait beaucoup moins. On reconnaît moins le jeu et ça fait peut-être un peu trop réaliste. Enfin, après, c'est mon avis et je m'y retrouve pas forcément. Et pour moi, le personnage des nouveaux Lara Croft, je la verrais bien dans un autre jeu vidéo. Je me dis pas, non, c'est Lara Croft, c'est sûr, c'est. Et pas du ça, tout. C'était en fait. Plus la même aventure. Bah non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment deux périodes et deux designs. Parce que sur la première, à Lara Croft, on la voit évoluer en termes de précision, de design, etc. avec l'évolution des consoles. Mais elle reste toujours Lara Croft. Et sur, sur les dernières, ouais. Alors, même s'ils ont fait exprès dans l'histoire de se dire, voilà, c'est un reboot, en fait, elle est beaucoup plus jeune, etc. etc. Ouais. Mais c'est plus. Ouais, on reconnaît pas. Elle a pas le même visage. Après, moi, j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les graphismes. Sur les derniers, je trouve qu'en fait, c'est une jolie fille, quoi. Mais tu dis pas, c'est une héroïne de jeux vidéo, mais c'est. Ne vous affolez pas, c'est normal avec la chirurgie esthétique. On refait tout. Hein. Vous pouvez devenir normal. On te dépixelise. Ouais, on t'enlève tes triangles, on t'enlève tes angles. T'imagines Lara Croft qui va chez le médecin pour la chirurgie esthétique. Bon, je voudrais être un peu moins pixelisé, s'il vous plaît. C'est possible. On va vous rajouter des polygones. C'est le lifting 3D, ça. C'est... Oui, Jolan, tu voulais dire, pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Moi, je disais juste, j'ai pas eu la chance de jouer au tout premier, mais j'ai vu des vidéos sur internet et ouais, c'était assez affolant graphiquement parlant. Ça devait piquer les yeux à l'époque. Mais, moi qui ai joué aux trois derniers qui sont sortis, ouais, graphiquement parlant, ça envoie du lourd. Après, je vais bien croire que tu te perds dans le personnage parce que je trouve que par rapport aux anciens, ouais, elle est vachement jeune par contre. Ah oui, oui, complètement. Ouais. C'est mais bien. Je pense que pour le dernier film, ils ont pris une actrice qui correspondait plus au dernier film. Oui, aussi, ouais. Donc, c'est fort possible. Et je pense qu'après, c'est aussi le côté par rapport à la femme, avec tout ce qui se passe. Ils se sont peut-être dit, bon, on va peut-être. Oui, parce que ça part quand même de mauvaises intentions. Ouais, voilà. Hein. Faut pas l'oublier, Tomb Raider. Ils ont mis une héroïne. S'ils ont mis une héroïne féminine, alors c'est bien dans le concept, mais c'était pas le concept. Le concept, c'était pas ouais, on va mettre une héroïne féminine, c'est bien et tout ça. Le but, c'est oh ouais, on va mettre une meuf gros nichon, gros. Oui. Une chose, c'était une bonne blague déjà. Oui. Donc bon. Oui, voilà. Mais pour le coup, ça a bien accroché et maintenant, ça sert en fait à une bonne cause, clairement. Parce que. Parce que ouais, c'est le premier jeu qui a eu une héroïne féminine. Mais comme tu dis, Nancy, je suis pas sûr que si aujourd'hui on mettait, alors avec les graphismes d'aujourd'hui, mais on mettait les mensurations de Lara Croft de l'époque, ça serait bien perçu, quoi. Parce que en vrai. Ah, non, je pense pas, ouais. Ou alors, faut un jeu totalement. Bah, gros texte, j'allais dire. Comme les jeux de catch, par exemple. Beaucoup trop gros texte. Ah oui, oui. En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'ils veulent mettre. Ils ont mis d'un côté un personnage, une héroïne féminine, mais c'est bien, mais en fait, ils l'ont sexualisé à mort. Ouais. C'est un peu. C'est l'équipe de mecs, c'est l'équipe de beaufs. Il fallait absolument la sexualiser pour qu'elle soit. En même temps, qu'elle rentre dans les critères des joueurs. Quoi, en même temps, pour faire le parallèle du côté héros masculin, tu avais par exemple Doc Duncan qui était hyper sexualisé aussi. Quoi. Le mec, je vais tous les tuer. Tu vois, c'était vraiment ça. On ressent toute la tension sexuelle. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre comme tension sexuelle, ça. Le mec super viril, tu vois. C'était pas un mec normal, quoi. C'était vraiment le mec le mec trop viril, quoi. Ouais. Oui, c'est parce qu'un mec viril à l'époque, ouais, c'était un mec qui faisait la guerre, qu'on avait rien à foutre de rien, qui parlait comme il voulait et qui avait des gros t-shirts avec des petits maillots. Non, des gros muscles avec des petits maillots. Bah oui, forcément, c'était trop. C'était toujours comme ça. J'ai fait le tour sur le sujet. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Après, on pourrait. J'ai une blague. Le retour des blagues pragmatiques de Laura qui mérite un petit. Jingle. Je l'aime ta gueule. Les blagues pragmatiques, d'accord. C'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Laura. Bonsoir. Alors, enfin, je suis pas trop experte dans ce que tu parlais, Jolane. Enfin, je connais pas trop Tomb Raider. Enfin, j'ai juste entendu parler, mais du coup, j'avais quand même une devinette pour vous. Quel est le point commun entre Tomb Raider et les Sims? Je sais pas. Ils sont pixels. Non, ce sont des jeux vidéo. Voilà. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues, mais c'est pragmatique. Mais c'est l'intitulé. Voilà, tout est dans l'intitulé. Voilà. Les blagues pragmatiques, c'est. Alors là, c'est un niveau au-dessus de la bite. Pragmatique. Exactement. C'est hyper pragmatique. Tu vois, tu connais un autre angle de Laura, Nancy, que tu ne connaissais pas encore. Quand tu veux de l'humour en soirée, appelle Laura. Une blague que j'ai faite en pragmatique et que j'adore ressortir à tout va et les gens ils sont choqués, mais vous l'avez déjà entendu à la radio, mais pas Nacy. J'aimerais bien juste la redire pour le fun. Ah encore bah, jingle. Allez, re-jingle, allez, c'est parti. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Alors pour ceux qui s'en souviennent, hein, vous dites pas, hein, ok? Non. Quel est le point commun entre Freddie Mercury et mon chat? Je sais. Ils sont morts. Non. Non. Ils sont tous les deux morts du sida. Voilà, voilà. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment tes blagues. Mais ton chat, il est pas mort pragmatique. Oh, c'est très... Ah, vas-y, bah, si, ouais, si. Le sida du chat. Le sida du chat, ouais. C'est une carte dans le limite-limite. C'est pas Freddie Mercury qui a filé son sida. Mais c'était il y a 4 ans, ça, Anaïs. Oui, mais je sais qu'il est parti. Je me rappelais plus qu'il était mort du sida. Pour le chat. Ah, si, si. Pour oui, le chat. Elle a préféré dire écrasé. D'accord. Malheureusement, ça arrive trop souvent, ouais. Mais t'inquiète pas, je m'en souvenais. Hein. Mais il est pas là. Il est pas là, mon chat. Non. Le quiz arrive sur Indestar, mais avant, on a du DJ Zebra avec Soul Désir. Et ça, c'est bon, on a mélangé Noir Désir. Avec un autre titre. Avec un peu de beaucoup soul. Plus soul. Soul, pas soul. Ouais, de l'esprit quoi. Parce qu'on est con. Infiné. L'émission à la maison. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. On oublie l'horaire, mais par contre, on se concentre sur la dernière ligne droite de cette émission à la maison sur Indestar. Avec la musique du quiz, parce que oui, nous y sommes. Le quiz de cette fin d'émission. Avec notre invité Nacy ce soir. Et donc, forcément, le quiz va tourner autour de la pop culture. De Nacy, 7 questions, 3 possibilités de réponse à chaque fois. Je vous pose la question, je vous fais les propositions et après je fais un tour de table pour savoir quelle est votre réponse. Il n'y aura qu'un gagnant ou peut-être plusieurs parce que finalement il peut y avoir une égalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Jolan sera en bas du podium. Quoique. Il était au-dessus, putain. Non mais. Le doute est permis. Je peux pas dire de grossièreté. Non, le doute est permis et quelque part, on vous pousse à rester jusqu'à la fin pour découvrir si j'avais raison ou pas. Je serais peut-être gagnant au tissé, attention. Des fois, la roue tourne, mais ouais. Pas quand elle est carrée. Méditez sur cette. Je viens de l'inventer. Pas comme des soins de la raconte. Alors, on commence avec une question hyper facile parce qu'on en a parlé tout à l'heure et là, pour le coup, bah, Julien, tu peux pas te tromper. Sur l'héroïne Lara Croft, on vient d'en parler, avec le premier Tomb Raider qui est sorti en quelle année ? 1994, 1995 ou 1996 ? 94, 95 ou 96 ? À ton avis, Laura ? Non, merci. Eh bien, je sais la réponse. Alors. C'est 1996, mon année de naissance, et c'est un grand cru aussi au niveau. Oh, c'est dégueulasse, 96. Ah. Une grand cru de bière et de jus de pamplemousse. Teddy. Ah, c'est 96. C'est 96 pour toi, Teddy. Du coup, c'est raté, hein, parce que c'était en 95 qu'il aurait fallu lancer. Nacy. 96. Ok. Daniel. Merci de ne pas m'avoir passé en premier parce que j'ai pas écouté de parler. Ah bah bravo! Bravo! Bravo. Et Jolan. À 96, évidemment. Effectivement, c'était 1996. Tu disais un développé par Core Design puis Crystal Dynamics pour les derniers. Donc, on va parler musique maintenant. On va revenir sur Dépêche Mode. C'est l'inverse par contre. Quelle chanson de leur répertoire? Hein, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est l'inverse des développeurs. Tu as dit Core Design pour le premier et Crystal Dynamics pour ah oui, derniers. Pardon. Dépêche Mode, donc quelle chanson de leur répertoire n'existe pas ? Est-ce que c'est Blue Dress, Pretty Dress ou New Dress ? J'ai aucun de ces titres donc, dans mon backup. Blue Dress, Pretty Dress ou New Dress ? Je vais poser la question à Teddy. Quel bâtard! Comment il est dans le doute, du coup? Ouais. Après, tu la poses à jeu, là, non? Tu vois Blue Dress, tu vois Pretty Dress, tu vois New Dress? Pretty Dress. Pretty Dress, pour ouais, toi, ça c'est... ça sonne pas anglais. D'accord. Ah bon, Pretty, ça... Genre non, ouais, mais Pretty woman, tu vois, mais pas Pretty Dress. D'accord. Ça sonne pas anglais. Voilà. Ok. Jolan? Tiens, dans ta gueule, Jolan. Il fait chier, j'ai pas le temps de réfléchir. New Dress? De quoi? La C, la seule. New Dress, ouais, New Dress, ok, d'accord. Daniel. C'est quoi, c'est Blue Dress ou Blue Alors, il y a blue comme le bleu, Blue Dress, ouais, Pretty Dress ou New Dress. J'aime bien Pretty Dress finalement. Pretty Dress, ok. Laura ? Pardon. J'en sais rien, mais je vais dire à l'instinct New Dress. Ok. C'est quoi cet instant de merde? T'aurais pu dire Pretty Dress. Et Nancy, tu dis quoi? Putain. Je croise les doigts. Nancy? Ah oui, non, mais excusez-moi, ça a coupé. Ah pardon, non, c'est pas grave. J'étais pas sûre, vous aviez bien dit mon prénom, en fait, c'est pour ça. Je dirais Blue Dress, ça me dit rien. Les trois me disent vraiment rien. Ah. Franchement. Alors. C'est rassurant. Ouais. La réponse. C'est possible de choisir les trois, non? Non, il y en a qu'une non, seule qui n'existe pas. Il y en a qu'une seule qui n'existe pas. C'était Pretty Dress. Oh, oui, Teddy. Oui. Teddy. Oh, bah, Laura, et dit. Daniel, vous avez la bonne réponse. Alors, New Dress, c'est sorti. On a trop beau. Pour l'anecdote, donc New Dress est sorti sur l'album Black Celebration, qui est sorti en 1986 et d'ailleurs réédité en 2007. C'était vraiment en plus. Ah bah oui, bien sûr. Et Blue Dress s'est sorti en 90 sur l'album Violator. Voilà. Donc il n'y avait que Pretty Dress qui n'est pas encore sorti. Question suivante, c'est la pause déj, on va dire. C'est on va parler de bouffe parce que la bouffe c'est la vie, n'est-ce pas, Nancy? Donc imaginons que nous sommes à Las Vegas. Forcément, là-bas, on va se faire un burger et autant se faire un bon burger, hein, vu qu'on a tout raflé aux machines à sous. Donc, le plus cher est affiché au prix exorbitant de 5 000 $. Pour 5 000 $, tu peux t'acheter un burger. Mais chez qui? Est-ce que c'est au Plaza Hotel, au Hamburger ou au Fleur de Lys? Au Plaza Hotel, au Hamburger ou au Fleur de Lys? À votre avis, tiens, je vais poser la question à Nancy. Alors là, elle est chouette ta pop culture. Mais oh, je suis jamais allé à Las Vegas. C'est la bouffe. Oh. La bouffe, c'est de la. Hein. Je sais pas du tout. Moi, c'est quoi déjà les propositions? Alors, on a le Plaza Hotel, le Hamburger ou le Fleur de Lys. Plaza Hotel de Stéphane Plaza. Ouais, aussi. Je dirais Plaza Hotel. Le Plaza Hotel. Jolan. Non, il n'y a pas de Jolan. Jolan oui. Si, je suis là, mais j'ai pas le temps de réfléchir. La recherche Google est pas Est-ce qu'il y a vraiment le temps de réfléchir de Plaza Hotel, Hamburger ou Fleur de Lys? Bon, bah, on y va. N'empêche, non, mais, moi, tu je connais vais, un peu la pop culture, tu connais la réponse. Hein, dans le... Parce qu'il apparaît dans un jeu. Plaza Hotel, ah oui okay. Je te le dirai lequel après, mais c'est assez drôle. D'accord, ok. Alors, tu dis quoi, Jolan? Plaza Hotel pour moi aussi. Le du Plaza coup, Hotel, ok, d'accord. Et dis même pourquoi c'est le plus cher. Je suis un mouton, je suis. Ouais. Laura? Moi je dis Plaza Hotel et j'en suis sûre à 90%. Daniel? C'est bien. Pas donné d'indice aux autres. Moi je sais qu'il y a un Plaza Hotel à Las Vegas, donc je vais dire aussi le Plaza Hotel. Teddy? Ouais, c'est pas faux, c'est le Plaza Hotel. Et il est déçu. C'était pas du tout le Plaza Hotel, puisque. C'était le Fleur de Lys. Putain. Non, j'en suis sûr à 90%. Mais il restait 10%. C'est quoi cette sûreté là? Il y a un Plaza Hotel à Las Vegas. Il y en a un en plus à Las Vegas. Bien sûr, bien sûr qu'il y a un Plaza Hotel à Las Vegas. Et il y a peut-être même un burger. Mais c'est au Fleur de Lys que l'on peut manger un burger pour 5 000 $. Il y a de l'or dedans. Alors il n'y a pas de l'or, mais il y a du bœuf de Kobe qui est hyper cher. Il y a du foie gras poêlé. C'est arrosé d'une sauce truffe, c'est servi dans un pain brioché aux truffes avec un accompagnement de truffes noires et de frites. Voilà. Donc, on plus que le caviar et c'est bah, c'est les frites, ça coûte cher. Hein. Enfin, c'est sûrement le prix des frites, effectivement. Il fait l'addition. Ouais, et une tranche de foie gras de 100 kilos, hein. Attention. Ah bah attends, oui. Non, de 200 kilos, non. Non, Jolan, personne mange ça. 100 kilos. Non plus. 100 kilos, non, 100 grammes peut-être, mais pas 100 kilos. Parce que peut-être 1 kilo si c'est vraiment un gros burger, mais pas 100 kilos, Jolan. 1 kilo de foie gras, t'imagines déjà bah. Ouais, 1 kilo de foie gras déjà, ouais. En tout cas, c'est ton foie qui devient gras. Je suis sur l'article. Bah oui, mais peut-être 1 gramme. Ils ont dû faire une erreur de frappe, si tu veux, à mon avis. On va rester en cuisine, nous. Mais on va parler anglais cette fois, puisque Nancy, tu aimes bien la langue de Shakespeare, et Laura aussi d'ailleurs. Donc rien à voir avec du sadomasochisme, mais comment je peux traduire le mot fouet en anglais? Est-ce que c'est a turn hand, a whisky ou a whisk? Daniel. Il y en a qui ont clairement des avantages là-dessus. Je dis pas, je dis rien. Moi, je voyais splatch. Splatch? Pourquoi splatch? Parce que ça fait splash. Non, un fouet ça fait. Ouais, ça fait. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on a même. C'est obligé, hein, j'ai déjà fouetté. Hein. La connaissance en anglais étant limitée, j'ai jamais utilisé de fouet anglais. Ouais. Mais comme ça, tu dis. Je vais mettre le troisième, tiens. A whisk. Ok, ouais. Daniel, a whisk. Le SM, c'est pas pour Daniel. Jolan, tu dirais quoi? Tu peux répéter les propositions. Alors, on a the turn hand. A whisky, a whisk. Bah, whisk. A whisk. Ok. Te dis. A whisky. Un whisky. Ouais. Vous voulez pas plutôt. Faut regarder du porno pour le savoir. Hein? Quoi? Ok, t'as dit qu'il fasse ton historique de suite. Ah non, on rien à foutre. Vous voulez pas plutôt un whisky d'abord? Donc, Nancy. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je dirais turn end, mais je sais pas. Turn end, ok. Et ouais. On va demander l'avis de notre bilingue. Quoi, tu as Laura. Je veux que tu répètes les mots parce que j'ai l'impression que c'est pas la bonne. Qui les dit mal? La bonne prononciation. Bon, c'est simple quand même. On a turn end, a whisky ou a whisk. Pour moi, c'est aucun des trois, en fait. alors, tout de même... Non, moi, pour moi, c'est plutôt The Whip. W-H-I-P. Ah bah... moi, j'ai pas ça. J'ai pas dans les propositions. Choix numéro D, Whip. Moi, le H me disait rien, en fait. Je vais partager tout le monde. Je viens de faire un tour sur Google Traduction. C'est Whip. C'est Whip. Mais Whip et ah non, Whisk aussi, ça marche. Ah, merci, Teddy. Mais alors, il y a une différence quand même. C'est que Whip, c'est le fouet qui fouette. Ah oui. Et Whisk, c'est le fouet de cuisine. Voilà. Attention, j'ai bien dit qu'on était en cuisine. Donc, effectivement, en cuisine, le fouet de cuisine, c'est le Whisk. Par contre, Whisky est accepté aussi. Et. Non, non, non, non, Whisky, c'est pour boire. Bah, ça fouette. Donc, ça veut dire que Jolan et Daniel ont la bonne réponse. Moi aussi. Oui. Et Teddy, il est où Teddy? Ah bah. Il est prêt à me compter un point. J'ai dit whisky. Non, non, mais t'avais pas. Je te voyais pas sur la. Ouais, mais j'ai trouvé sur internet. Oui, bah oui, mais ça, on n'a pas le droit ça de marcher comme ça. Le salaud, il allait chercher sur internet. Mais c'est vrai que the turn hand, ça pourrait être ça pourrait être ça parce que. Le batteur ou. Bah non, mais ouais, tu tournes la main quoi. Enfin, tu vois. Non, mais j'étais pas du tout dans la cuisine là, clairement. Ouais. Moi non plus. Ah bah j'avais clairement, il a dit SM hein, d'abord. Non, j'ai dit on reste en cuisine, mais on parle en anglais cette fois. Vous ne m'avez pas écouté. C'est pour faire la crème anglaise, le fouet. Bon, maintenant je parle musique. Tu n'utilises pas une crème anglaise pour faire du fouet. Attends, Daniel. Une réclamation en faveur de Jolan. C'est l'âme du boulanger qui ressort. Plein que tu ne laisses pas le temps de réfléchir, ça fait 3 fois de suite que tu le demandes en deuxième. Mais c'est pas notre faute si son Google Trad est trop rapide. Enfin, pas assez rapide. D'accord, bah là, je lui poserai la question en premier, comme ça, ça change. Donc en musique, William Kalubi Mwamba, alias Damso. C'est le rappeur qui cartonne avec pas mal de punchlines qui font mouche, dont. Les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de Gray Meredith, Bardo Brigitte ou Lohan Lindsay. Je vais poser la question à Daniel. Alors j'ai un problème, j'ai pas compris. Un très gros mot de la question. Alors je répète, les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de Gray Meredith. Bardo Brigitte ou Lohan Lindsay. C'est qui dit ça? C'est Danzo. Non, Damso. Oh, c'est la même chose. Moi, j'écoute même pas. Bon, ça doit être Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Pour Daniel. Oh. Ok. Je vais poser la question à Laura. Alors, est-ce que tu peux répéter l'intitulé? Donc, Damso, il a une punchline qui dit « Les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de... » Grey Meredith, Bardo Brigitte ou Loan Lindsay. Fais même pas une rime riche, quoi. Mais ouais, grave, j'étais en train de chercher la rime pour avoir... Y a pas. Ce mec, il est nul, quoi. Y a pas. C'est peut-être des rimes alternées, genre oui. C'est A, B, donc c'est peut-être les même deux. Pas, je suis sûr. C'est alterné avec une autre chanson. Bardo Brigitte, donc ça paraît plus logique. Teddy. Parce qu'elle était jolie avant. Les choses sont plus souvent plus belles avant, comme le visage de... Ouais. Teddy. Ça peut pas être Grey. Oui, parce que ça, c'est Dr. House. Non, c'est Grey's Anatomy, qu'est-ce que je suis con. Mais... Putain, Lindsay Lohan, mais elle était moche, elle. Non, c'est Brigitte Bardot. Je suis les autres. Je tu suis dis Brigitte Bardot. Donc. Je suis. Ok. Je mets tapis. Ok. Je vais poser la question à Nancy. Moi, je dis Brigitte Bardot. Ok. Jolan, tu dis quoi ? T'as vu Jolan, heureusement que je suis intervenu, t'as eu le temps de réfléchir. Tu dis Brigitte Bardot aussi. Effectivement, c'était... c'était la bonne réponse et je l'ai un peu vendu tout à l'heure hein, quand on a parlé de Brigitte Bardot à un moment donné. J'ai dit qu'on allait en reparler tout à l'heure et c'était effectivement dans cette question. Bébé qui était entre autres actrice, hein, tout comme... Ça aurait pu être un piège aussi. Hein. Ça aurait pu, c'est vrai. Ça aurait pu être un piège. Une autre actrice, c'est Tessa Thompson. C'est qui a fait ces piège-là. Tessa Thompson, donc que tu aimes, Nancy, qui joue dans notamment War of on Everyone. Mais quel personnage... Et ouais. Et quel personnage de l'univers Marvel joue-t-elle depuis 2017 ? Est-ce que c'est... Quoi ? Elle joue un personnage... Mais qui ça ? Tessa Thompson. Moi, je l'aime plus pour sa musique. Hein. Ah. Ah. Ouais. Ah bah là, du coup, grave. C'est le côté actrice que j'ai pris. Tessa Thompson. Tu vois les télé Thompson ? J'ai pas le droit d'aller voir qui c'est. Non, c'est bah non. Ça. Non. Donc, elle joue un personnage dans l'univers Marvel. Est-ce que c'est... Pepper Potts, Black Widow ou Valkyrie? Pepper Potts. Alors Black Widow. C'est Pepper là, Potts. C'est une lettre noire, tu viens de dire au lieu de voilà. Noir. Black Widow. Ouais, et c'est pas quoi? C'est... Je suis un super héros, je m'appelle Black Widow. Et alors ou Valkyrie, à votre avis, tiens, on va poser la question à. Depuis 2017? Depuis 2017. Ok, j'ai la réponse. Jolan? Jolan, tu te trompes pas. Sinon, je t'en colle. J'ai pas le temps de réfléchir, il me fait chier. Mais t'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de réfléchir. C'est logique, Jolan. C'est soit tu connais, soit tu connais pas. En mais vrai. Si, c'est logique, t'as pas mais besoin non, de connaître. Mais non, c'est pas logique. Bah si, y'a qu'une seule qui est apparue depuis 2017. Oui. Ah ouais. Est-ce que c'est Pepper Potts, Black Widow ou Valkyrie? Black Widow encore. Là, c'est quoi, c'est Black Widow? Oui, ah, Black Widow. Ah, c'est oui, c'est en vrai, c'est ce qui est marqué sur ma. Pardon. Enfin, veuve noire, Black même. Widow, pardon. Ou Valkyrie. Jolan. Pepper Pops, non? Pepper Pops. Putain, mais Jolan. Ok. C'est pas ça? Bah, je sais pas. Daniel, tu dis quoi? T'as dit quoi? Pepper Pops, Black Widow et Valkyrie? Ouais. Comme le Kiri. Valkyrie pour Daniel. Ok. Oh, Laura. Black Widow. Nancy? J'ai un gros doute, mais... Ah, c'est facile. Bah, je dirais Black Widow. Vraiment? Vraiment? Teddy? Je vais me tirer une balle. Black Widow, c'est joué par Scarlett Johansson. D'accord. Pepper Potts, c'est pas son nom. D'accord. Et Pepper Potts, c'est la copine d'Iron Man. Oui. Iron Man, il est sorti quand, d'après vous? Pas en 2017. Non, avant. C'est Valkyrie. Peter Valkyrie Potts, qui apparaît dans Thor. Effectivement, c'était Valkyrie. Par déduction, hein, pas parce que. Bah oui, t'es trop con. Oh, ça clash. Ah oui, totalement. Valkyrie Wayne, hein, c'est ça. Et pour l'anecdote, sur sa vie personnelle d'ailleurs, elle est en couple avec la chanteuse américaine Janelle Monae. Oh, je connais pas. Voilà. Je savais même pas qu'elle chantait de base. Qui? Bah, c'est si. Ah, c'est si. Elle fait des bons sons. Elle est pas mauvaise hein, dans son rôle de Valkyrie. Hein. Mais... elle joue une Valkyrie alcoolique qui a plus envie de rien. Ça va pas trop avec l'image des Valkyries d'ailleurs, mais ah, ouais. Ouais, c'est mais bon. Enfin, on termine par une autre actrice française cette fois, c'est Adèle Exarchopoulos. Ah, j'y arrive jamais ça. Voilà, ouais, c'est celle qui joue la vie d'Adèle notamment. Je la connais pas. Qui sera d'ailleurs à l'affiche de la comédie Mandibule qui sort mercredi avec David et Grégoire du Palma Show. Oh oui. Ah d'accord. Oh, nice. Et alors c'est la première fois qu'elle se lance dans la comédie et pour les essais du film, elle a dû faire une scène un peu particulière. Mais quel était le scénario de cette scène ? Putain, mais si je les ai. Alors, est-ce que c'est arriver avec une merde de chien et frapper à la porte de David en étant persuadé qu'il cachait un animal et donc du coup que c'était l'animal qui avait fait cette merde ? Ou arriver à la porte de Grégoire avec une merde de chien en étant persuadé qu'il cachait un animal ? Ou bien arriver avec une merde de chien et frapper à la porte de Sébastien en étant persuadé qu'il cachait un animal. Voilà. Vous avez bien compris qu'elle est arrivée avec une merde de chien à la main chez quelqu'un pour lui demander si c'était mais pas son animal qui avait fait la crotte. Quoi ? Mais la question c'est du coup c'est qui ? La question c'est qui ? Et voilà. Je vais poser la question Anaïs, tiens. Je dirais la première. La première à la porte de David, ok. On va poser la question à Teddy. T'as David, Grégoire et Sébastien, c'est ça ? Sébastien. Sébastien pour Teddy. C'est marrant, mais franchement, c'est super marrant que tu me parles du film qui vont sortir. Oui. Parce que cet après-midi, j'ai regardé quoi ? La bande-annonce. Pas que, j'ai regardé aussi une interview de Greg. Sur ce film. Pas le machin, ouais. Donc tu. C'est assez drôle. Ça a l'air. Ça, c'est assez drôle, je veux dire. C'est, oui, mais, ouais. La coïncidence, c'est marrant. La coïncidence, c'est drôle. Peut-être qu'il bluffe. Ah non, c'est vrai par contre. Je pense pas là, je pense que je me souviens. Non, tu peux pas. Parce que là, il n'y aura aucun intérêt à bluffer pour le coup. Laura, tu dis quoi ? Grégoire. Jolan ? Allez, pour faire chier Teddy, je dirais Sébastien. Tu dirais Sébastien. Et Daniel ? T'as perdu quoi qu'il arrive, tu peux pas faire chier. Mais bâtard ! Je sais pas pourquoi, je verrais quand même bien Sébastien. D'accord. Alors, faut que je fasse les comptes pendant ce temps-là. Teddy va combler et va monter un meuble Ikea. Ok, meuble Ikea. Non, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que je peux dire ? Vous connaissez le Palma Show ? Oui. Tu aimes bien, Nessie ? J'adore. C'est vrai ? Ah oui, on rigolait trop de ça mais au lycée et tout. Franchement, t'aurais vu les mecs qui font. Ouais, vas-y, je vais. C'est pas les mecs qui font la scène genre dans l'hôpital, moi ça m'avait marqué, genre votre mari est décédé, ils chantent et tout devant les patients. Alors c'est possible, parce qu'ils en ont tellement fait des sketchs comme ça, que c'est tout à fait possible qu'ils ont fait des trucs comme ça. Mais t'aurais dû le mettre dans ta bio, on aurait fait une partie comique. Bon, j'ai les scores, et ils sont pas fameux. Je tiens à préciser, vous passez pas tous à la classe supérieure. Il y en a qui vont redoubler leur seconde là. C'est je quoi crois. Déjà la réponse à la dernière question ? Parce que tu l'as pas donné. La réponse à la dernière question. Ah bah c'est. Ah pardon, j'ai pas donné. Mais quel connard ! Il avait juste oublié. J'ai pas donné. Alors la réponse à la dernière question c'était David. La bonne réponse. Ah. Il allait frapper à la porte de David. Et t'avais raison, Daniel, hein, c'était bien du bluff. J'ai vu une interview, mais ils disent rien du film. Donc bon. Voilà. Alors, en bas, et tout en bas. Avec 2 points seulement. Jolan. Non. Laura. Chef, t'as fait pire. T'es nul. Laura, 2 points seulement. Voilà, sur ce quiz. Oui, oh là là. L'important, c'est de participer. Exactement. C'est ce que je dis aussi quand je perds comme ça. C'est la phrase typique des rageux, tu sais. Ah, c'est ça. En général, je dis j'ai l'esprit sportif. Jolan, rigole pas trop, t'es juste après. Avec un point de plus, on a une égalité. Ah merde, tu es égalité avec lui. On a Jolan. Ah merde. Bah oui. Avec Nacy. 3 points pour vous deux. Putain, c'est Daniel. À peine ça passe au rattrapage, je l'ai dit, 3 points. On est bon au rattrapage. Donc 3 points pour Jolan et Nacy. Ensuite, Teddy, 4 points. Putain, Daniel me bat encore, j'y crois pas. Et puisque Daniel, avec 5 points, est sur le podium. Bah ouais, 4 victoires d'affilée. 4 victoires. Non, bon, alors non, c'est pas du tout un sans faute parce que. C'est un deux fautes. Mais c'est vrai que Daniel, tu vois, on serait à tout le monde veut prendre sa place. Là, ça fait plusieurs fois qu'il est sur le fauteuil, quoi. Donc bravo, Daniel. J'ai regagné encore du pognon. Oui, c'est ça. Ça s'emmagasine, tu sais, au fur et à mesure. Mais j'ai gagné combien là, la cagnotte, elle a combien? Ah bah là t'as à combien de on est à 4 Et ben on 4 est toujours 20... à 4-0. Oui, donc ça fait 4 euros. Non, 4-0. Putain, là je suis riche hein. Bah on demain, a demain je vais au moins m'acheter une glace à la vanille avec bah, ça. C'est ça, on fait avec les moyens d'Indestar, hein, toute proportion gardée évidemment. Bon. En tout cas, merci beaucoup Nancy d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. J'espère... Ah oui. Attends, on a oublié un truc, je crois. Qu'est-ce que tu as oublié? Ah. Mais si. Oui. Oui. Pourquoi tu as oublié ça? C'est pas moi, c'est pas moi. Mais si, on a oublié une question très importante, je pense, sur ton parcours. Ah oui. Quelque chose qui doit déterminer ton choix de vie. Ah oui, c'est ça. Ta ligne directive, ton objectif dans la vie. Et ton petit déjeuner. Et ton petit déjeuner. Est-ce que tu es pain au chocolat ou chocolatine? La team pain au chocolat ou la team chocolatine? Et les gars, il est bientôt minuit passé, vous lui posez vraiment cette question? Bah, c'est. Figure-toi qu'il y a des gens qui vont acheter des pains au chocolat à cette heure-là. Je vais dire chocolatine. Ah ouais, tu je vois. Je te déteste. Oh, non mais. C'est... Au Mans. Au Mans, on dit plutôt chocolatine? Non, pas du tout. Ah non. Mais pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu fais ça? Je dis pas au chocolat moi aussi. Hein. C'est pour que Teddy soit frustré. C'est très bien fait. C'est très bien joué, Nancy. Voilà. Je t'aimais bien avant. Bon, on rappelle Nancy qu'on peut te retrouver sur Facebook. Vous tapez @Nancy95 et puis sur YouTube. C'est en majuscule, NAYCII. Et si vous tombez pas directement sur sa chaîne, vous cherchez le titre Baby Blue. Et vous allez forcément tomber sur ce premier clip. Ouais. D'autres musiques arrivent dans les prochains mois. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite, Nancy. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. N'hésite pas à revenir, tu es la bienvenue quand tu veux. Si tu veux des pains au chocolat. Si tu veux des pains au chocolat à distance. On n'a pas de chocolat, s'il te plaît. Non, mais. C'est il va pas dormir ce soir. Vous, hein. C'était vraiment super, super sympa et il n'y a pas de problème, je reviendrai. Et puis peut-être qu'on se verra physiquement à un moment donné quand effectivement on pourra réouvrir tous les studios et on pourra faire la fête ensemble. Parce qu'à Amboise, on a une très grande salle de concert où on peut mettre au moins 10 spectateurs. 10 spectateurs, ouais. D'accord. Au moins. Je ferai ma première là-bas, alors. C'est... Autant qu'elle fasse ça sur la terrasse de sa grand-mère. Enfin, il n'y a pas de terrasse. C'est pas fou. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on est là pour ça. Vous savez, Indestar, là où tout commence, on découvre des artistes en permanence. D'ailleurs, il y a une programmation qui arrive, hein, évidemment, pour vous accompagner tout au long de la nuit. Avec notamment Jay Coco, Christopher Robin. Et puis, on va écouter De la Montagne avec Living the City maintenant sur Indestar. Pas cohérent, ça. Une excellente nuit. Et on se donne rendez-vous en début de semaine, lundi soir 21h, avec un nouveau sujet, une nouvelle émission. Et puis d'ici là, profitez de ce long week-end. Peut-être que vous êtes en vacances en ce moment, peut-être que vous êtes parti. Ouais. Si, je vois bien au bord de la mer. Vous ouvrez la baie vitrée. Là. C'est l'océan Atlantique. Moi, je pars demain, par exemple. Tu pars demain, toi. Tu vas où, Daniel? À côté du golfe du Morbihan. D'accord. À côté de Quiberon, bah oui, c'est une jolie, une jolie région. Ok. La Trinité-sur-Mer, Carnac. Et ben, on fait un petit big up à la Bretagne. Et à partout, d'ailleurs. Mais au moins, ils disent pas chocolatine. Non, en Bretagne, ils disent pas chocolat. Ah non, mais il est vexé, hein, Déçu. J'espère que ça va pas t'empêcher de dormir. Si. Je vais être vénère pendant 3 heures. En même temps, c'est pas très grave parce qu'il se lève à 3 heures du matin, donc il a pas beaucoup de temps de dormir. Oui, on vous souhaite une bonne nuit, les amis, un bon week-end et à lundi, tout le monde. Ciao. Bisous. Salut. Ciao. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.